Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Yeah, hi, this is Steve Wozniak, and you are listening to the podcast of Mac Québec. MacQuébec.com, le podcast. C'est toutes les nouveautés Apple. Commentaires et critiques. Vos questions, nos réponses. Et beaucoup de collaborateurs. Bienvenue au podcast de Mac Québec. MacQuébec.com. Bonjour à tous, bienvenue au podcast de Mac Québec. Nous sommes mardi le 18 mars, il est 8h08. Aujourd'hui à l'émission, nous vous parlons de vos nouvelles Apple, les rumeurs sur iOS 8 et l'iPhone 6, et nos découvertes, dont une application intéressante pour ceux qui voyagent en métro. Bienvenue au podcast Mac Québec. J'aime ça, de semaine en semaine. Je t'améliore. Ben, j'arrive comme drette de souhait. Ce qui est drôle, c'est qu'avant l'émission, t'as passé un commentaire sur le fait que nos micros, on pouvait juste parler dans le devant, puis là, t'as fait la présentation en parlant dans le côté de ton micro. Ouais, fait qu'on t'a entendu en écho. Ben, c'est exactement pour ça que je nous ai dit qu'il fallait changer de micro. Là, il est mieux ajusté, puis là, je viens de faire péter le tympan de tous ceux qui nous écoutent. Il est très possible, parce que quelqu'un nous a mis dans la tête qu'on pouvait parler comme à la radio communautaire, que notre ton change pendant le show. Et donc, bienvenue au podcast de Mac Québec, qui est une émission bimensuelle produite par l'équipe du site macquebec.com, ou en tout cas quelques membres de l'équipe, sur l'univers Apple. Au cours des 90 prochaines minutes... Non, c'est vrai, c'est toi, moi et puis l'autre. Le reste de l'équipe n'aimera pas ça que tu dises ce petit commentaire-là. Oui, c'est ça. Poursuivons pour 300 000. Prochaine minute, nous passerons en revue les nouvelles du monde Apple des deux dernières semaines, répondrons à des questions posées par des membres de la communauté Mac Québec et présenterons nos trouvailles de la semaine. Donc, sans plus tarder, je vous présente mes animateurs pour aujourd'hui. Il trippe tellement quand je l'appelle en plein milieu de la nuit pour lui dire « Hey, hey dude, demande à Siri de te trouver un bar karaoké. » c'est qui? Comment je m'appelle? Jean-François est avec nous. Ça va bien, Jean-François? Oui, ça va bien, toi? Oui, t'as-tu aimé ça? Je t'appelle vendredi passé après ma découverte. C'est correct. C'est juste que je dormais, là, mais vraiment. Là. Ah, solide, là. Ah, oh, oui, ça, là, c'était comme. Donc, vous aurez compris qu'il faut que vous demandiez à Siri de vous trouver un bar karaoké. Et celui qui est capable de communiquer avec nous avec le hashtag PodMQ. Va se mériter un code promo pour une gentille application dont on va parler un petit peu plus tard dans l'émission. Donc, PodMQ. Et il faut nous tweeter, non pas... Bon, si vous le demandez, là, il va... Normalement, il va une fois sur 10, 20, on l'a testé, vous donner la bonne réponse. S'il vous donne une liste des bars karaoké, c'est pas bon. C'est pas ça qu'on c'est cherche. On veut quelqu'un qui nous arrive avec qu'est-ce qu'il vous dit. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Autant en anglais qu'en français. Ouais. Jean-Michel est avec nous. T'as pas de présentation pour moi. Non, j'ai pas de présentation. Ben, je sais, mais c'est... Bonjour, Alexis. C'est comme le Target canadien. C'est comme un édulcoré du Target américain. Il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. Parlant de numéro, vous pouvez communiquer... Non? Pas ce soir? T'as-tu mis le téléphone fonctionne-tu? Non. OK. Donc, vous pouvez pas... Moi qui me suis arrangé avec quelqu'un pour faire semblant qu'il y avait comme... Quelqu'un qui allait nous téléphoner. Qui nous appelle sur Skype. Je vais le mettre à téléphone. Ça va être prêt là, dans 15 minutes. Excellent. Donc, dans 15 minutes, vous pourrez communiquer avec nous au 1-877-561-2357. Je gage que vous n'êtes même pas game de le faire. Vous pouvez aussi communiquer avec nous par les canaux habituels, soit le hashtag PodMQ sur Twitter, sur la plateforme Mac Québec Entraide, www.macquebec-entraide.com, ou en nous écrivant au podcast at macquebec.com. Pourquoi je n'étais pas supposé dire ça aujourd'hui? Je ne sais pas, c'est rayé. Non, c'est parce que l'autre section, en dessous, tu vas répéter la même chose, c'est pas grave, là, mais ce que j'ai expliqué là, tantôt. OK, excellent. Remerciements à nos commanditaires parce que le podcast Mac Québec est rendu possible grâce à leur généreuse collaboration. D'ailleurs, on va tous les rappeler le 21 mars, c'est le solstice, puis on va renouveler l'engagement. Donc, Coop UQAM qui nous donne un bon coup de main, soit avec des produits qu'on teste ou avec des produits. On attend un Mac Pro. Ils ont un Mac Pro? Peut-être, j'imagine qu'ils ont dû en commander un. Pas sûr qu'ils l'ont ouvert. Reptiltech qui nous donne un joyeux coup de main aussi pour l'infrastructure. iRepair Montréal, iRepair Montréal, en fait, qui sont en train de faire des tests pour... Je l'ai vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Ils sont en train de faire des tests pour faire le premier iPhone complètement submersible. C'est-à-dire que y a beaucoup de produits... Ouais, on avait vu au dans un Kickstarter un moment donné, c'était genre de... un sprint, oui. Tu faisais tch, puis là tu l'ouvrais, c'était pas dommageable, puis tu le mettais dans l'eau, puis tu jouais, puis ça fonctionnait, il pognait pas l'eau, rien. La problématique avec ça, que ce soit avec les liquipels de ce monde ou avec les autres produits, c'est que ça... Bon, d'abord, tout le monde, bizarrement, veut protéger l'extérieur du téléphone, ce qui est un petit peu bizarre, parce que ce qui vaut cher, puis ce que vous voulez pas faire changer... C'est l'intérieur. C'est l'intérieur, c'est la carte mère. Et j'ai parlé aux gens d'iRepair, puis ce qu'ils nous ont dit, c'est ça. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est transformer ta carte mère en un truc indestructible que tu peux pas perdre tes données dessus. Parce que le reste, tu peux tout le changer, mais tes données, tu pourras pas les récupérer, tes photos, tes trucs comme ça. Donc, eux, ils ouvrent au complet le téléphone et tout ce qu'ils sont capables de je sais pas comment le dire, mais de rendre résistant à l'eau, ils le font, mais ils le font pas pour l'extérieur. Pourquoi? Parce que ces produits-là ont tendance à laisser une fine couche de dégueulasse, bien collante et qui donne un feeling très désagréable, en fait, à la main. Donc, ils le font pour tout ce qui est de l'intérieur. Et le produit, en fait, pas besoin de vous expliquer que ça enlève la garantie d'Apple, parce que, carrément, la carte mère change de couleur. Oh! Elle devient une espèce de bleu crystal meth dans Breaking Bad. Elle n'est pas déjà bleue, la carte? C'est la carte mère des Mac qui est bleue. Oui. Ouais. Certains Mac Pro. Ou non, des autres. MacBook Pro aussi, le mien est bleu. Noir pour moi. Mais donc, c'est ça. Fait que c'est pas mal intéressant. Sinon, vous pouvez aller voir sur leur site. Ils ont un paquet de nouveaux vidéos qui ont été distribuées. Mais ils l'ont laissé dans l'eau, dans l'aquarium, 5 minutes, je pense, si je me souviens. 4 minutes avant que le téléphone s'éteigne. Okay. Mais le téléphone s'est éteint. Sauf que la carte mère n'avait pas perdu. Ils ont pris l'eau à la carte mère. Ben, l'eau, elle a rentré. Ça rend pas. L'eau, elle rentre à l'intérieur. Ouais, ouais. Elle fait juste pas faire de court-circuit sur les trucs. Mais. Il y a toujours un endroit où est-ce que l'humidité va finir par rentrer, mais la carte mère, elle est correcte. Donc, pour les gens là, qui ont besoin de rendre très, très robuste leur téléphone, ils sont en train de faire encore des tests là-dessus, mais c'est probablement un produit qu'ils vont offrir au Puis cours là, des... Tu le sors, mettons, tu le sors de l'eau, ils te l'ont dit combien de temps t'attendais pour qu'il refonctionne, là, ça, non? Non. Bon, mais on les salue. Oui, tout à fait. Je vais aller les voir d'ailleurs très bientôt. On a nos amis aussi de l'INIS qui ont des formations qui s'en viennent. Tu vas peut-être aller en suivre une toi-même, Jean-François. Mais sinon, le 27 mars, il y a la nouvelle formation pour Keynote 5, le dernier Keynote. Ah, c'est intéressant ça. C'est une formation pour Keynote 4 qui durait 3 heures, mais maintenant, 15 minutes, c'est correct. C'est une blague, pas par rapport à la formation de l'INIS, mais par rapport au fait que Apple n'a pas mis toutes les fonctionnalités dans le nouveau Keynote qu'ils ont programmé. Le 29 mars, il y a une formation produire et diffuser du contenu avec son téléphone intelligent. Donc, des applications plus professionnelles, probablement pour faire des vlogs et des trucs comme ça. Le 4 mai, la formation Final Cut Pro de 3 jours. Donc, c'est une initiation, mais c'est quand même 3 jours, donc ça va quand même assez en profondeur. 14 au 16 avril, ce sont les premières formations certifiées sur Maverick. La certification Essential, qui est celle que j'ai. Celle que tu as. Exactement, mais pas à Maverick. Moi, j'ai 10.8, puis on regarde justement pour aller passer la nouvelle. Et le 29, 30 avril et 1er mai, retour de la formation Motion 5. Donc, les gens qui sont intéressés par Motion, le logiciel d'effets spéciaux de Apple. Et évidemment, on remercie Telestream qui nous permet de vous diffuser. Eux autres aussi, au solstice, il va falloir les recontacter. Oui, tout à fait. Effectivement, parce que je pense que c'est Wirecast 5. C'est le 4 qu'on a, mais on n'a pas le 5. Fait que... On veut le 5. On veut le 5. On veut le 5. Ouais. Salut Telestream, on veut le 5. Hello Telestream, we want Wirecast 5. Yeah, I hope you got a Google Alert on that. Jean-François, on est à la section kudos, coup de 12 qu'on maltraite depuis. On n'en a pas vraiment. C'est comme si la vie allait bien. Ouais. Est-ce que tu as un coup d'os ou un coup de dose? J'ai dû chialer sur quelque chose cette semaine à la maison, c'est clair. Là, je vous entendais parler d'hélico tout à l'heure. Ouais, ben ça, c'est pas nouveau. Là. C'est comme ça changera rien. Là. C'est-à-dire, même si on chiale, ça changera pas plus. J'avais-tu quelque chose sur les élections, me semble, que j'ai vu? Non. Je me souviens plus. Je n'ai pas checké. Tu veux pas parler de la cochonne de Lac-Mégantic? La cochonne de Lac-Mégantic? T'as pas vu la fille de la CAQ, là? Oui, ouais, mais pire que Hélène Brousseau, là. L'autre, là, comment elle s'appelait, donc? Celle que. C'était une cochonne aussi, là. Et, comment elle s'appelle, donc? Je sais pas, mais les téléphones sonnent, on me dit en studio qu'il y a des féministes qui veulent nous égorger. Mais c'est pas plus pire que le gars qui ont sorti les. Ce que je trouve très plate, c'est que chacun des partis dit que les deux autres, c'est des pas bons. Oui. Estimons que chacun représente, en gros, c'est pas ça, mais 30 % de la population. Donc, si la population représentée à 33 % par chacun des partis, mm-hmm. les deux autres partis, c'est des pas bons, ça veut dire que pour 66 % des gens, les deux autres partis sont des pas bons. Donc, si c'est toute une gang de pas bons, pourquoi on voterait pour un des trois? Tu sais, mm-hmm. dans il y a un vieux film avec Richard Pryor là, où est-ce qu'il était millionnaire, je sais pas quoi, puis il disait voter pour personne. Il se lançait dans une campagne électorale pour gaspiller du cash en masse. Puis il disait voter pour aucun des candidats qui se présentent parce que c'est tout des pas bons. Tu sais, c'est tout du monde qui vont prendre des décisions qui vont pas changer grand-chose, qui vont... Mais t'as-tu vu, en parlant de ça, de pas bon, t'as-tu vu la campagne, l'annonce de Brassard qu'a faite avec la campagne publicitaire de Pauline Marois? T'sais, l'original, c'est « Elle marche », je pense que c'est à Dorval. Là. Okay. Elle marche, puis tu l'entends parler en fond, mais elle fait juste marcher. Mais lui, Brassard a fait l'inverse. Il l'a fait reculer. OK. Comme il dit, OK, j'ai reculé pour la santé, j'ai reculé pour les mines, j'ai reculé. Aïe. C'est vraiment drôle, là. C'est vraiment drôle ce qu'il a fait, là. C'est, Bon, Jean-Michel, t'avais quelque chose, tu l'as noté en plus. Ben donc, oui. Vas-y, fesse. J'ai un couteau, c'est SiriusXM. Je me suis acheté une voiture, puis j'ai la radio satellite dans ma voiture. Un coup d'os. Okay. Ah, OK. Ouais. Parce que j'ai entendu dire, mais là, présentement, j'ai un essai gratuit de 3 mois. Je ne l'ai pas encore essayé. Mais apparemment, ils ont un service de rétention, eux, SiriusXM. Un peu comme les compagnies de cellulaires, mais qui travaillent vraiment à notre avantage, puis qui ont comme mentalité, tant qu'on est capable de lui soutirer un peu d'argent par mois, on va continuer à lui envoyer ce signal. Donc, le prix de base pour s'abonner à SiriusXM, c'est 15,99 par mois. Mais sur Internet, il y a plein de témoignages de gens qui payent 4-5 $ par mois, là, ce qui est beaucoup plus d'allure que 15 $ par mois. C'est cher. Pour de la radio que tu écoutes dans ton auto. Puis tu es obligé d'écouter à l'heure où est-ce qu'ils diffusent, tu sais, pour écouter. Oh, mais ça doit être non-stop. Ouais, c'est ça. Ça doit être non-stop, ça, là, SiriusXM? Ouais, c'est non-stop. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas ça. Là. C'est comme un peu comme le super écran de la radio. Là. C'est juste de la musique ou juste de l'humour pour les canaux d'humour, juste des nouvelles pour les canaux de nouvelles. Mais quand même, là, 15 $ par mois, là, c'est cher. Plus taxes, plus, puis ils viennent te charger 97 cents par mois. Attends, les canaux d'humour, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? C'est des canaux américains, là. C'est de l'humour américain, surtout. Okay. Là. Mm-hmm. Okay. Mais 15 $, OK, ouais, c'est cher. Mais moi, ce que je comprends pas, le monde, c'est comme... Tu sais, comme j'utilise Non-Stop TuneIn Radio. Ouais. C'est Non-Stop, je pense c'est une des applications avec Twitter, Tweetbot que j'utilise le plus. T'as bien plus de choix là-dessus, puis c'est gratis, là, on s'entend, là, c'est gratis. Ouais, mais c'est de la radio commerciale, là, t'as des annonces, t'as la qualité moins bonne, puis... Ah, OK. Ben, ouais, OK. Ça paraît, là, la différence. Ah, ouais, okay. Ouais. Faut l'avoir essayé, là. Faut aimer le style. Coup de douze à Vidéotron. Ah ouais! Tu nouveau? Non, mais j'écoutais un film hier soir que j'ai enregistré sur mon terminal, et puis le terminal n'a pas enregistré les derniers 3 minutes et quart à peu près là, du film, là, mais c'est assez fâchant quand t'écoutes quelque chose pendant 2 heures, là, puis que là que t'arrives à la fin, tu veux savoir comment ça se finit. C'était quoi le film? Puis c'était 10 et demi avec Claude Legault. Ah, Chris, si j'avais su à la fin, je te l'aurais dit. J'aurais spoilé. Mais il n'y a pas vraiment de dénouement à la fin, okay. Mais quand même, c'est le fun d'écouter un film au complet. Ben, au complet, générique. C'est assez fâchant quand tu consacres comme 2 heures de ton temps à écouter un film, puis tu sais, tu trouves ça bon. Puis, c'est comme un coït interrompu. Ça, ouais, c'est ça. Ça coupe à la fin, là. Mais ce que je comprends pas, c'est si on regarde les services Internet qui sont donnés, OK? Internet amène, c'est-à-dire Vidéotron ou Bell, amène l'Internet jusqu'à chez vous. Ouais. Le routeur sans fil qui t'installe parce que, oh, c'est gratis, puis il te donne un routeur sans fil, c'est de la merde dans lequel tu peux pas rentrer puis aller changer le firmware s'il y en a besoin. Mm-hmm. Les courriels qu'ils te donnent pendant une espèce de bout de temps, c'était en pop. Fait que c'est encore en pop. Vidéotron fait de l'IMAP maintenant. Ouais, mais il fonctionne pas sur OS X, il fonctionne pas dans Merle encore. Oui. Oui? Oui, je le configure. Oui, okay. Puis l'auto-discovery, ça fonctionne. Ah ouais? Okay. C'est bien monté, là. C'est correct. Là, okay. Tu sais, pas fait plus. Ça a pris là, 16 ans avant que ça soit correct. Là, exactement. Mais... Puis okay. les gens passent leur temps à... Tu sais, ils comprennent pas pourquoi... Hey, j'ai une adresse Vidéotron, puis quand je suis à l'extérieur, ça marche pas. OK, quand t'es à l'extérieur, où? Ben, mettons, je suis un ami qui est avec Bell. Ouais, c'est ça. OK, ben, c'est parce que le serveur SMTP de Bell veut pas laisser passer tes courriels qui sont configurés pour passer sur un serveur de Vidéotron. Donc, tu veux avoir une connexion SSL, puis le IMAP fait ça. Puis à ce moment-là, ça passe. Mais pour le commun des mortels, ils savent pas c'est quoi. Fait que à chaque fois, on te garde va-t'en avec Gmail, là, puis t'en auras pas de problème. Ouais. Ça s'envoie, puis ça se reçoit de partout, là, puis arrêtez de niaiser. Ou tu fais juste forwarder ton adresse Vidéotron sur ton Gmail. Moi, je suis pas... Je trouve pas ça fiable comme système. Il y a comme une latence qui va s'instaurer. Puis okay. Ouais, parce que si tu configures Gmail pour qu'il récupère lui-même tes messages sur ton adresse Vidéotron, il y a toujours comme un 5-10 minutes de délai parce que c'est pas en temps direct. Il va les fetcher une fois ou 10 minutes à peu près automatiquement. Ah, okay. Mais j'imagine que si tu configures Outlook ou bien n'importe quel logiciel sur ton ordinateur pour... que le logiciel, lui, les forward, ça va être en direct, mais il va falloir que le logiciel soit ouvert. Là. Je sais pas si Vidéotron offre une fonctionnalité comme ça là, sur le webmail ou bien... je penserais pas. C'est une bonne question. Mais je savais pas que si tu veux regarder tes courriels de Vidéotron chez Bell, ça fonctionnait pas. Non, tu les reçois, mais tu peux pas en envoyer, parce que le SMTP, c'est un autre. C'était en pop. C'était en pop. OK, mais je savais pas ça. T'sais, d'abord, vérifiez dans vos téléphones. Si vous êtes encore en pop, là, dites-vous que vous êtes en 2003. Ouais. Fait qu'arriver, là, c'est du IMAP, du Exchange, si vous avez l'occasion d'en avoir. C'est très bien, du Exchange. C'est un des produits de Microsoft qui fonctionne bien. Peut-être qu'au niveau d'OS X, ça pourrait être mieux supporté, mais bon, en général, ben c'est parce qu'il y a des fonctionnalités très, très poussées. Qui dit Exchange, ça, d'habitude, pour, dit Outlook. Puis dans Outlook sur PC, il y a vraiment des fonctionnalités collaboratives intéressantes qu'il n'y a absolument pas dans Outlook de Mac. On va voir en avril. C'est en avril que Office 2014 devrait arriver. Les gens qui sont membres de Office 365, d'ailleurs, devraient pouvoir mettre la main dessus. Mais pour ce qui est du Exchange de base sur iOS, OS X, ça va quand même assez bien. Oui. Surtout sur iOS. Tout à fait. Oui, surtout sur iOS, effectivement. On a un nouveau segment au podcast qui s'appelle « Retour sur le dernier podcast ». On aurait trouvé un nom beaucoup plus intéressant que ça. Il faudrait qu'il nous fasse un jingle, le retour back, sur le dernier back podcast. Back to podcast. C'est comme back to my Mac, mais back to podcast. Ce nouveau segment où on passe en revue les questions et commentaires que les auditeurs ont laissés sur Twitter, YouTube, suite à leur écoute du dernier podcast. Et donc, vous pouvez nous soumettre vos questions. Je l'ai déjà dit, ça. C'est pour ça qu'il était barré. C'est ça. Si vous écoutez en direct, n'hésitez pas à réagir sur Twitter en utilisant le mot-clic PodMQ ou nous téléphoner. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires ou de répondre à vos questions et de vous donner plus d'informations sur les sujets abordés durant l'émission. D'ailleurs, cette semaine, j'ai fait une petite expérience. Tu peux aller... on est distribué sur beaucoup de magasins Apple. On est distribué, en fait, sur tous les magasins à iTunes Store. Oui. Et on a de plus en plus, probablement un peu à cause de on refait le Mac dont on fait la promotion sur le, mm-hmm. sur le site web, on a de plus en plus de gens qui nous écoutent d'Europe. donc de France, entre autres. Et je suis allé voir, on a vraiment des meilleures notes sur le store français que sur le store canadien. Ah? Donc, écoutez, si ça vous tente, que vous aimez le produit, allez sur les magasins, les différents magasins en ligne et laissez des commentaires. C'est un peu notre paye, parce qu'on en parlait au début. Ouais. C'est un hobby, t'es bénévole, puis tu retires absolument rien de ça. Oui, effectivement. Ben, moi, je retire, tu sais... Je fais ça dans la vie, fait que mon nom circule puis tout ça. Ouais. Mais vous, c'est pas ça que vous faites, donc voilà. Fait que payez ces gars-là par des commentaires. Je compte des pelules. positif ou négatif, mais toujours constructif. Mm. Voilà. Sinon, pourquoi lui c'est fermé? J'ai besoin d'un jingle là. Right. Mac Québec, le podcast. On commence cette semaine les nouvelles en parlant de l'iPhone. Rumeurs d'iPhone. Les rumeurs. Ah, OK, on commence comme ça. Bon. Habituellement, on ne fait pas les rumeurs. Non. Mais en ce moment, il y en a beaucoup. Cette semaine, on les fait. Elles sont intéressantes. Puis, on va faire un espèce de segment où on va parler de ce qui peut s'en venir, tout ça. Donc. Oui, c'est ça. Parce que c'est aujourd'hui qu'a annoncé que le S5 va sortir le 11 avril, je pense, dans le même. Là, j'ai vu passer ça, le Galaxy S5. Ah, OK. Oui, il va sortir le 11 avril. On est rendu au S5? Oui, le S4, c'était l'année passée. OK, ouais. Je trouve qu'ils ont... Tu sais, il faut qu'ils s'essayent longtemps, là. Oui, oui. S5, avant d'arriver avec... C'est ça. Qui est même pas hot, là. Non. Puis, vu que le téléphone, celui de Samsung va sortir bientôt, là, on commence à voir les rumeurs du iPhone 6 parce que ça s'en vient. T'sais, c'est, mois de juin, là, c'est dans 3 mois, là, on se le dit, là. Ouais. C'est quand? Mais ça sera pas au mois de juin. Non, il va être annoncé. Il va avoir iOS au mois de juin. iOS au mois de juin. Ouais, c'est ça. Exactement. Tu vas nous donner une idée. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a beaucoup de rumeurs qui sont sorties cette semaine qui ont l'air assez véridiques, là, je veux dire, franchement. Là, les photos qu'on a vues passer sur les fils de nouvelles, c'est assez... C'est de mieux. Apple devrait engager les gars qui font ça parce que... C'est peut-être encore Gizmodo qu'on ne sait pas. pas Gizmodo, comment il s'appelle, le gars qui avait pris pour l'iPhone 4, là, qui l'ont mis de voir. Là. En tout cas. J'ai un blanc. Mais c'est de plus en plus réaliste, là, ces photos-là, ces dessins-là. C'est vrai. Ça aurait l'air de ça, là, puis je l'achèterais. Là. C'est plus comme avant, là, avec un clavier holographique puis un écran. Ben oui, c'est ça. T'sais, le maudit clavier holographique qu'on a vu il y a à peu près 4-5 ans, là, plus que ça, le même. Là. Ouais. Dans iOS 8, la prochaine version du système d'exploitation de Apple, il mettrait une application qui gère... ta santé, tu sais, comme les gears de les montres connectées qui... Ça serait Healthbook, en fait. Healthbook, ouais, okay. C'est ça, exactement. On a vu des photos de ça sortir cette semaine. Oui, ça ressemble beaucoup à Passbook. Je trouve les photos qu'on voit, ouais. Ça ressemble beaucoup à Passbook. Que tu quelqu'un qui utilise ça, un Passbook? Non, mais il faut que les gens qui peuvent... Pas les gens, mais les... Les commerçants. Les commerçants, en fait, commencent à l'utiliser. Mais voir comment les gens l'utilisent, je travaille pour une compagnie qui distribue une certaine carte de fidélité par Passbook. Ouais. Et puis voir comment les gens sont pas habitués d'utiliser ça, là. C'est terrible. Là. Bon, on va dire que tu travailles pour Guzzo. Non. On va dire, ben, je travaille. En tout cas, maintenant, on va dire, je demande à un client, avez-vous votre carte de fidélité? Ouais. Puis là, il me sort son téléphone, il sort son iPhone, puis là, il commence à regarder. Il cherche Passbook, premièrement. Puis après ça, il rouvre Passbook, puis là, il cherche sa carte de fidélité. Puis là, il cherche comment ouvrir sa carte de fidélité. Puis c'est pas. Pourtant, c'est pas parce que c'est pas intuitif. Non, là. C'est ça. Puis, tu sais, mettons, comme moi, une personne qui va souvent au cinéma, puis j'arrive, avez-vous votre carte de fidélité? Je sors mon téléphone de suite. La fille est surprise, là. Ouais. C'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent, tu sais, qui utilisent leur téléphone pour cette carte-là, puis elle sert en maudit, cette carte-là. Là, tu sais, mm-hmm. Si, il va souvent. Ouais. En tout cas, whatever. Fait que pour revenir à iOS 8, Healthbook, c'est tout ce que votre corps. Tout va emmagasiner. Je ne sais pas comment ils vont faire, par exemple. Parce que là, c'est ça le problème. C'est que le problème avec ça, c'est qu'on n'a rien vu de connecté avec ce qui serait... C'est ça, on s'imagine... On s'attend qu'il y a une montre qui va sortir. Une montre ou une annexe au téléphone. Oui, c'est ça. Parce que là, avec ce qu'on a vu, ça va calculer ton battement de cœur, ton hydratation, ta pression, ta nutrition, ton taux de sucre, combien de temps tu dors, ta respiration, ta saturation d'oxygène, combien tu en dépenses, ton poids. Fait que y a pas l'application, le téléphone là, que tu ne tiendras pas dans tes mains, puis ça va fonctionner de même. C'est clair qu'il y a quelque chose qui s'en vient avec, là, une montre ou un bracelet quelconque. Si je ne me trompe pas, le S5, il y a quand même certains des capteurs dessus. Je crois que c'est à l'arrière du téléphone, puis il est capable de lire ton battement de cœur ou des trucs comme ça. Mais ce qu'il y a là-dedans, là, il y a des non, trucs... Y a plus... Non, c'est ça. T'es obligé d'aller à l'hôpital là, pour te faire quelque chose ou avoir de l'équipement spécialisé. Avoir la saturation de ton sang, là, jamais ça à la maison. Là, non, c'est ça. Puis je sais pas si même dans les montres spécialisées pour les joggeurs ou les trucs comme ça, ils sont capables de prendre autant de trucs. Quand t'es rentré en studio tout à l'heure, tu m'as dit « Hey, à quoi ça peut bien servir cette affaire-là? » Puis moi, de la manière, j'ai vu les trucs et je me suis dit « Si Apple est capable de faire quelque chose comme ça, version 1, là, puis on s'entend que ça va évoluer et tout ça, là, mais que quand ils ont présenté le téléphone la première fois, okay, il y a, en 2006, ils ont parlé du fait que ça pourrait prendre, par exemple, avec un glucomètre qui est connecté au téléphone, ça pourrait envoyer un message aux parents pour dire « Votre fille n'a pas fait son test de glucose » ou « Elle a fait son test de glucose, mais les résultats sont en bas, il va avoir un problème. » Avec ce qu'on a là-dessus, y a quand même beaucoup de tu sais, t'as une montre qui calcule tout ça. Bon, mettons, le taux d'oxygène en bas de ton sang, là, si t'es en bas de quelque chose, tu vas t'évanouir. Ouais, tu vas... Parce qu'on s'entend que c'est pas une montre qui va dire combien ton taux d'oxygène que tu as sur toi. Là. C'est pas vrai, là. Ça se peut pas. Là. Ben oui, il peut avoir un capteur qui est capable de faire ça. Là. Ça c'est un bracelet qu'il fait, ouais, mais... qu'il fait à l'hôpital. Oui, oui, mais ouais, c'est ça. Mais... Ou la pince, ou je me souviens plus ouais, quoi. Le ting, là, ce qui te met. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a comme qu'est-ce que j'ai vu, dont le sucre, le taux de sucre. Comment tu vas être capable de dire... Ils ont acheté des compagnies pour ça. Ils ont fait venir, ils ont engagé du monde dernièrement et ils ont acheté des compagnies qui ont justement des capteurs spéciaux pour faire ce genre de Si on peut faire ça avec un iPhone, ça va comme changer le monde, surtout pour les diabétiques qui achètent le petit bandelette à Q-Tech à une pièce. Je vendrais plus de machine diabétique à la job. Là. C'est non. C'est clair, là, si Apple nous sort une affaire de même, là, Bayers là, vont broyer leur mère. Ben, clairement, mais c'est quand on dit une compagnie qui innove, quand on dit une compagnie qui est capable de faire quelque chose qui va complètement changer. Écoute, dans la santé, là, mettons que tu tombes, tu as une crise cardiaque ou quoi que ce soit, là, ce qui est important, c'est la vitesse à laquelle les secours peuvent venir t'aider. Puis, à ce moment-là, tu as un appareil qui te dit exactement où est-ce que tu es, qui éventuellement va te dire même à quelle hauteur tu es dans un building, exactement à quelle place tu es. Puis, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça, tu veux me faire penser à ça. Ce que j'ai vu cette semaine, je ne sais pas si tu l'as vu, une petite anecdote là, en parlant de la hauteur qu'on peut te retrouver. T'sais. Ouais. T'sais, on a vu une photo de chat qui était comme... Ils sont capables de retrouver un téléphone iPhone, mais ils sont pas capables de retrouver un Boeing 747. Là. Je l'ai tellement ri quand je l'ai vu, le chat. Là, c'était comme, c'est vrai. Il y a du monde qui ont posté. Pourquoi ils sont pas en train de chercher le Boeing avec Find My Phone? C'est ça. Mais c'est parce que dans le fond de l'eau. C'est ça. Puis il n'y a pas de signal. C'est juste drôle parce que ça m'a fait penser à ça. Fait continue. Donc, tu sais exactement où est-ce que t'es, puis ton téléphone va probablement savoir, parce que avant passed out, avant de ça, ben il y a une descente. Tu le sais pas. Un diabétique va prendre son taux de sucre à un moment donné, puis ça se peut qu'il feel un petit peu bizarre, tu sais, mais si tous ces capteurs-là fonctionnent, ils vont pouvoir te dire avant que ça se passe que ça va se passer, puis que tu es en train de... Écoute, dans 5 minutes, là... T'es à terre en train de convulser ou quelque chose. Donc, tu serais capable toi-même de faire « Oh, ma montre est en train de me dire que je vais m'évanouir. 911, je suis à tel endroit. » Ou même pas, ça va envoyer des signaux. Mettons, vous êtes sur ça mon fer MyPhone. Ça va peut-être envoyer un SMS, parce que ça s'en vient, le SMS du 911 là, ouais, au Canada. Ça peut, là. Ça peut envoyer un SMS. Ça a commencé en Colombie. Ça peut envoyer des notifications à ma gang de Find My Phone. Mm-hmm. Puis là, genre, oups, la personne qui est le plus près possible alerte, tout sonne, même si t'es sur le mode vibration. T'as un chum qui est à terre, tu sais, tu peux, whatever, tu peux aller le voir ou quoi que ce soit. Puis d'après moi... Si la technologie fonctionne comme je le pense, ça pourrait même aider à gagner globalement. Là, si Apple est capable de distribuer beaucoup de ces montres-là, d'en mettre autour des poignets de beaucoup de gens, d'après moi, ça peut faire augmenter l'âge moyen des gens pour en général. Là. Donc, si ça, c'est pas une innovation, puis ça, c'est pas une révolution, je sais pas qu'est-ce que c'est. L'innovation puis la révolution, mais faut voir plus loin que tu sais, je sais pas s'il y a quelqu'un comme moi puis GM qui peut se crisser plus que on s'en crise de ce que peut dire cette montre là, question santé, disons que c'est pas je sais pas comme le PLQ, c'est pas ma priorité manifestement, eux non plus là. Non, mais je sais pas. Tu sais, si on aurait les données en temps réel, si on s'intéresserait pas plus à ça. Ben peut-être, tu sais, on... Ça n'a pas rapport du tout, mais moi, dans mon nouvel auto, là, j'ai dans le milieu de mon tableau de bord, ça me donne ma consommation d'essence instantanée. Ouais. Avant, je m'en foutais si je faisais là, 11 litres au 100 km, mais maintenant, là, je regarde ça, puis mon but, il faut que je descende en bas de 8 litres. Là. Ouais. Ben ouais, c'est parce que... Je sais pas, mais... Fais-toi installer un ajusto, le gros. Es-tu malade, tu une crosse, ça? Je sais. Méchante crosse, cette affaire-là. Oui. Ton prix normal, majoré de 25%. Non, ils peuvent pas augmenter tes assurances. Ben, ils peuvent pas les augmenter, sauf que... C'est ça. Si tu magasines, d'après moi, t'es capable de te trouver 25% moins cher sans te faire installer un c'est truc. Sûr. C'est clair. C'est tout le temps où ce que t'es, où ce que tu vas, comment si tu breaks. Si tu breaks trop vite, puis si tu vas... T'sais, voyons donc. Comment que... Tu sais, comme... Ben, je l'ai fait venir, je l'ai pas installé. Mais je l'ai Est-ce fait que venir. Tu payes pour l'installation? Non, je l'installe toi-même. Parce que ce que j'aime pas, c'est qu'il faut que je colle un velcro dans mon char, puis le velcro va rester là après si je le veux plus. Puis il est neuf, son char. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ben, ça. Il est presque neuf, là, mais en tout cas, il est vraiment pas usé. Non, mais il faut le mettre dans le port OBDI, là, en dessous du tableau de bord. Ah, OK. Donc, t'as pas le choix de coller quelque chose en velcro. Aux États-Unis, non, c'est juste des petits dongles que tu branches dans le port, mais là, ici, c'est fait par une magnifique compagnie québécoise qui avait pas le goût de copier la miniaturisation des appareils américains. Là, fait que c'est une grosse affaire avec un corn, un tie wrap. Puis deux choses de velcro. Est-ce que c'est gratuit? Oui, mais c'est gratuit. Okay. Il donne 5% de rabais la première année. Puis, Bon. Mais pour venir à. iPhone, US 8, ça va être vraiment en juin qu'on va voir parce que ça va être là qu'ils vont l'annoncer. Là. Ça ne sera pas avant, ça va être juin au WWDC. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qu'on a entendu parler ou vraiment c'est juste Airbus? Non, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. J'ai vu Preview qui s'est intégré. Et TextEdit. Et TextEdit serait intégré dans iOS 8. Preview, je vois pas. Moi non plus, puis TextEdit. TextEdit non pour plus. Remplacer Notes. Oui, mais qu'est-ce que TextEdit fait plus que Notes? Ben, attends, qu'est-ce que d'abord, c'est un vieux produit, TextEdit, qui est là pour... en fait, qu'il n'y a plus de raison d'être là. D'après moi, dans 10.10, TextEdit, ça l'offre... C'est comme WordPad là, sur Windows. Ou ça n'a plus aucune utilité, mais il est là depuis Windows 3.1, WordPad. Oui, mais il y a Page gratis. Fait que d'après moi, dans 10.10... Il est gratuit si tu actives un produit, mais si tu n'as pas activé de produit depuis qu'il est gratuit, tu ne l'as pas? C'est Page. Ça. Ouais. Ben, ils vont donc, au lieu, mais tu sais, à place d'avoir Notes, tu aurais TextEdit qui est compatible officiellement avec plus de formats. Donc, tu pourrais éditer nativement des documents Word, des documents XML, RTF, des documents XML, n'importe quoi. Ouais, OK. Puis tu pourrais comme avoir plus d'options de formatage. Tu pourrais changer la police, faire des tabulations. Mais Preview. Ben, tu peux signer dans Preview. Tu peux signer un PDF. Ouais, ça donnerait des options pour les PDF, mais à part de ça. Non, pas... Moi, j'ai vu la rumeur, puis j'ai fait comme... C'est sketchy, parce que le PDF est déjà intégré dans le système au complet. Tu peux l'ouvrir dans la C'est ça, mais là, c'est sûr que... Tu pourrais Preview, faire un minimum d'édition. Avec Preview, tu aurais comme une application pour stocker tes PDF. Parce que là, présentement, si tu veux stocker les PDF, il faut que tu fasses ça dans iBooks ou avec une autre application. Ou avec Goodreader, par exemple. Goodreader, c'est ça. Ouais. Donc, mais là, il y aurait cette option-là nativement dans le système. C'est la seule affaire que je vois. Là. J'avoue. Puis en fait, s'ils mettent pas ça... Ben, faire un dossier à la Mac, à la Dropbox, parce que j'imagine qu'ils vont aller vers ça éventuellement, Ou sinon, en fait, la stratégie d'Apple semble être de dire « Nous, on veut pas que tu vois tes fichiers. On veut que tu sois dans un logiciel qui te permet d'ouvrir tel type et tel type de fichier. » Donc, à ce moment-là, ça aurait de l'allure parce que il y a certains documents photos que tu ouvrirais dans Preview puis que tu veux pas dans ta bibliothèque de photos. Mm-hmm. T'sais, que ce soit des logos, des trucs comme ça, ça se mélange pas à ton album photo. C'est comme un, c'est un autre type. T'as besoin de logo de Mac Québec, ben je le mets pas dans iPhoto, c'est pas là que je veux le stocker. Pour TextEdit, ben là, il y a Page, mais Page ouvre du Page, du Word, du PDF. Même pas de PDF. Oui. Ça exporte en PDF. Fait qu'à ce moment-là, d'avoir TextEdit qui prend du RTF, qui prend d'autres choses, ça peut effectivement être intéressant, mais tu sais, c'est des formats que Apple semble pas vouloir garder non plus. Tu sais, ils veulent s'en aller vers autre chose. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? La grosse rumeur, ça serait que les téléphones seraient plus gros. Ben, au niveau de l'écran. Au niveau de l'écran. Mais plus gros, pas en capacité, là, mais au niveau de l'écran, ça serait 4,7 pouces. Il y aurait deux modèles, 4,7 et 5,5. Okay. Qui sont fortement vrais, selon moi, parce que Apple n'aura pas le choix, là. Ils n'auront pas le choix parce que Samsung, toutes les autres ont tellement des plus gros écrans. Puis tu sais, c'est parce que même si tu regardes ton 4 pouces d'iPhone, puis tu regardes un Samsung, oui. C'est plus beau sur un Samsung. Parce que ben, c'est sur ça que Samsung se base pour vendre des produits. Quand tu vas acheter ton téléphone, là, tu vois l'iPhone 5S avec l'écran 4 pouces, le fait sur le long. Ouais. Tu as le gros Galaxy Note là, qui met de chaque côté là, avec l'écran immense, les couleurs ultra saturées. Puis le monde n'essaye pas les téléphones. Le monde voit, hey, celui-là, le Samsung, il y a un gros écran. Puis le rouge, il est vraiment rouge. Là, puis le jaune est vraiment jaune. Puis ils vont prendre le Samsung justement parce que l'écran est plus gros. Mais ils ne l'auront pas essayé le téléphone à rien. Moi, je trouve que ça donne à rien. Non, mais tu sais, juste augmenter un peu la grosseur de l'écran, ça fait pas de tort. C'est sûr, mais... Tu sais, à 4,7, moi, j'ai vu une vidéo cette semaine et il te montrait le téléphone qui était de la même grosseur que le téléphone actuel, mais il faisait juste pas avoir de bezel autour. OK. Fait qu'il était vraiment de tu sais, jusque sur le bord du téléphone, puis ça avait vraiment un look intéressant. Le démo qu'ils ont fait, là, c'était un proof of concept. Mm-hmm. Il y avait plus de boutons, parce que ça fait 4 téléphones et demi là, qui disent qu'ils vont se débarrasser du bouton. Puis on a vu que sur d'autres appareils, ils l'ont fait disparaître, ce bouton-là. Donc, s'ils font disparaître le bouton et que le Touch ID est comme inapparent, puis qu'il étire l'écran, c'est possible. Est-ce qu'ils vont aller vers des écrans courbés? Je sais pas, on a vu des produits au CES qui avaient des écrans courbés, puis là, on a fait comme, OK, ça existe, cool! À quoi ça sert? À fuck all. LG, c'est concave, Samsung, c'est convexe, curvé dans un bord ou curvé de l'autre. Il y en a que c'est curvé comme ça, fait que c'est pas super confortable. Puis il y en a un autre qui est curvé comme ça, qui est un peu plus... ça a un peu plus d'allure, mais on s'en fout sérieusement que l'écran soit courbé. Là, exactement. Là, que si je te poserais la question, là, tu vis-tu bien avec le fait que ton iPhone soit droit? Oui. C'est oui. Puis, tu vis-tu bien avec le fait que tes téléphones soient droits depuis les 15 dernières années? Ouais. La réponse est oui aussi. Peut-être qu'on va être capable de me dire, ben regarde, le téléphone est courbé, puis il y a une raison à ça. Mais pour l'instant, le fait que ce soit une brique de même, ça permet entre autres à une application d'utiliser le moteur du téléphone pour faire tourner le téléphone puis faire une photo de 360 degrés. Cycloramique, là, c'est effrayant comment ça fonctionne. C'est super beau ce que ça donne comme caméra, comme photo. Ça doit être encore bien plus beau avec un 5S que mon 5. Fait que... Sûrement. Sinon, au niveau du téléphone en tant que tel, est-ce qu'on a des rumeurs? Non. Moi, je n'ai pas vu. T'en as pas vu? Moi, j'ai vu un proof of concept avec ce qui a été écrit ou en fait du recyclage de rumeurs. Il serait plus mince encore. Il serait à 5,5 mm, quelque chose comme ça. Ça reste à voir. Il serait coupé un peu comme un iPad mini. Faut voir. 5,5 pouces d'écran, c'est quand même un pouce et demi plus petit qu'un iPad mini. C'est vraiment important. Je sais pas. On vous revient avec, on vous laisse avec nos amis de Cacao Cast. Oui, je fais ça tout de suite parce que j'ai pas plugué mon ordinateur puis j'ai besoin d'aller chercher mon power supply. Donc, on passe à CacaoCast et on revient avec le reste des nouvelles. Bonjour, je suis Philippe Guittard. Et moi, Philippe Casgrain. Nous sommes les Tom et Jerry du podcast CacaoCast. Nous parlons des nouvelles concernant les développeurs iOS et macOS. Nous allons aujourd'hui parler de trois sujets. Le premier, c'est un nouveau mini-site, entre guillemets, qui a été mis en ligne par Apple tout récemment, qui s'appelle, c'est sur le site developer.apple.com, donc c'est un site connu de tous les développeurs, enregistrés ou non, mais si vous voulez, vous êtes intéressé par le développement d'applications sur Mac ou iOS, vous passerez beaucoup de temps sur ce site-là. Et si vous allez sur developer.apple.com/design, vous allez trouver une page qui va vous donner tout un tas de références qui vous aident à savoir comment développer une application en suivant les standards et les guides d'Apple. Donc, Apple est assez à cheval là-dessus. Vous pouvez quand même faire de votre façon et puis soumettre votre application à l'App Store et puis vendre une application qui ressemble pas du tout à une application qu'Apple aurait fait. Mais en général, Apple essaye de pousser les développeurs à suivre les standards et les conventions qui existent déjà sur iOS et sur macOS. Donc, il y a tout un tas de ressources. Il y a des vidéos tirées des Tech Talks, c'était des petites sessions, des mini-conférences qui ont eu lieu l'automne dernier un peu partout dans le monde, où des ingénieurs d'Apple rencontrent les développeurs et puis leur expliquent un peu comment développer des jeux, comment développer des applications utilisant tout un tas de technologies provenant d'Apple. iOS 7 ou encore le nouveau iPhone 5 qui n'était pas sorti au moment de la WWDC. Exactement. Donc, il y a ces vidéos-là, il y a des guides, dont le fameux Human Interface Guidelines, le HIG. C'est quelque chose que les développeurs d'applications se doivent de connaître. Donc, vous devez au moins le lire, même si vous ne l'appliquez pas au complet. Voilà. Donc, si ça vous intéresse de développer des applications, vous avez envie d'apprendre, commencez par lire ce guide-là. C'est vraiment très important. Ça vous donne les grands standards, les grandes conventions d'application. Voilà, donc c'est le titre du site s'appelle Designing Great Apps et c'est sur developer.apple.com/design, D-E-S-I-G-N. Maintenant, Philippe, on va parler de quelque chose qui a fait un petit peu les nouvelles côté des développeurs et des nerds en général, parce que c'est un peu plus complexe, ça n'a peut-être pas vraiment intéressé le grand public, mais c'est cette fameuse affaire de GoToFail, qui est un bug qu'Apple a laissé traîner dans son code SSL. Donc, tu vas un peu nous expliquer de quoi il s'agit. Voilà. Alors, le SSL, c'est le protocole qui est utilisé quand on fait des connexions sécurisées. Par exemple, un site web de banque ou des choses comme ça, où toutes les transactions en ligne que vous faites, c'est toujours un protocole qu'on appelle HTTPS. Alors, quand vous avez le petit cadenas dans Safari, c'est avec SSL. Il y a une implémentation de SSL qui est en code source libre, qui s'appelle OpenSSL, mais Apple a décidé de ne pas suivre, de déprécier finalement OpenSSL, de faire leur propre framework de sécurité qui parle évidemment aussi le langage SSL, mais qui n'est pas OpenSSL, et c'est le security.framework ou Core Security. Ce code source-là, évidemment, est ouvert aussi, on peut le voir, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait une erreur dans ce code-là, qui avait une ligne qui s'appelle GoToFail, qui est un langage de programmation C qui vous permet de sauter d'un endroit à un autre dans votre fonction. Et bien, cette ligne-là était dupliquée. Donc, il y avait deux fois la même ligne, une fois un dessous en arrière de l'autre. Et c'était à l'intérieur d'un case statement. C'est un terme de programmation qui vous permet de faire un choix entre différentes possibilités, là, comme dans un menu ou des choses comme ça. Quand, en répétant cette option-là, on se trouvait à sauter la dernière étape de validation du certificat. Ce qui faisait en sorte que si quelqu'un avait le bon type de certificat, avec pas le bon nom, mais toutes sortes d'autres bonnes affaires, il pouvait se remplacer et se mettre entre vous et votre banque, par exemple, ou vous et votre serveur sécurisé quelconque, et intercepter toutes vos communications. Le bug a été réglé. Si vous avez iOS 7.0.6, n'avez plus le bug. Si vous avez Mavericks 10.9.2, vous n'avez plus le bug non plus. C'est un fixe d'urgence qui a été sorti dès que le bug a été publié, finalement, là, enfin, ou connu du grand public. Et il y a un site web qui est sorti qui s'appelle gotofail.com qui vous permet de vérifier si vous êtes vulnérable par rapport à ce bug-là. C'est le... Il y a beaucoup de spéculations sur l'origine de ce bug-là. Et aussi, on s'est dit pourquoi Apple a décidé de ne plus utiliser OpenSSL. Ce sont des questions qui sont un peu trop longues pour ce podcast, mais si vous allez sur gotofail.com, vous allez avoir différentes ressources. Vous pouvez tester avec différents navigateurs, etc. Là, Chrome, par exemple, n'avait pas ce problème-là, tant sur iOS que sur macOS. Et voilà, et bien sûr, là, je vais sur gotofail.com avec Safari sur mon iMac que j'utilise pour faire les enregistrements de cette petite capsule. Et je vois que mon navigateur est vulnérable, c'est écrit en rouge. Et je viens de réaliser que j'ai pas encore mis à jour macOS 10. Moi, je suis toujours à la 10.9.1. Donc, il faut que je fasse vraiment ça rapidement. Dès qu'on termine l'enregistrement, je vais faire ça tout de suite. Oui. Donc voilà, allez sur gotofail.com. Et puis, si ça vous intéresse de savoir... D'où vient ce problème et comment ça a fonctionné? Faites une petite recherche sur Google, GoToFail, et vous verrez tout un tas d'articles. C'est assez intéressant. Techniquement, il y a des grandes discussions de fond qui ont démarré pour un peu expliquer pourquoi il y a eu ce bug, d'où ça vient et comment ça aurait pu être évité. Donc c'est vraiment amusant et intéressant à ce niveau-là. On va finir par quelque chose d'amusant aussi, plus amusant et avec moins de conséquences qu'un bug dans SSL. Juste un peu plus ludique quand même. Voilà, dans le framework de sécurité d'Apple, c'est quand même grave. Quelque chose de plus ludique. Donc si vous avez travaillé avec un développeur ou si vous êtes développeur vous-même, vous savez qu'un développeur a toujours une excuse. Quand quelque chose ne marche pas, il a une excuse pour dire « non, c'est pas possible, Quand le code SSL fonctionne pas, on a des excuses. Il y a toujours des excuses. Ça, c'est quelque chose que, je sais pas, c'est toujours comme ça, c'est assez amusant. Et il y a un site qui vous génère comme ça tout un tas d'excuses. Ça s'appelle programmingexcuses.com. Et c'est vraiment drôle parce que vous avez vraiment tout un tas d'excuses auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. Donc, si vous êtes développeur et que vous êtes à court d'excuses, allez sur ce site. Mais Philippe, tu vas rapidement nous dire qu'est-ce que tu as fait avec ce site. Tu l'as utilisé d'une façon un petit peu malicieuse. Ouais, c'est plus pour faire rigoler tout le monde parce que les excuses que le site donne sont plausibles. Alors, vous pouvez presque quasiment les utiliser directement. Mais moi, j'ai fait en sorte que notre système d'intégration continue, quand l'intégration continue ne fonctionnait pas, qu'il y avait une erreur dans la compilation ou quoi que ce soit, il allait directement sur programmingexcuses.com et vous sortait une excuse et l'imprimait directement dans le message suite à au problème de votre intégration. Alors ça nous donne beaucoup de plaisir à l'intérieur de la compagnie. C'est assez drôle, voilà, de partager ça avec ses collègues. Au moins, ça, quelque chose ne fonctionne pas. Voilà, programmingexcuses.com. Voilà, c'est tout pour cette capsule. Si vous voulez en savoir plus, venez nous écouter à cacaocast.com. Vous pouvez aussi nous trouver sur iTunes dans la section podcast en faisant une recherche cacaocast. Et voilà, vous nous entendrez parler de tout un tas d'autres choses et des sujets qui ressemblent à ceux-là aussi. Donc voilà, c'est tout et on rend la main à nos amis de Mac Québec. Mac Québec, le podcast. Nous voilà de retour en studio. Merci aux deux, Philippe, pour ces petites capsules qui nous proposent, une vision un petit peu différente, celle de développeurs, qui vont chercher des produits un petit peu plus poussés. C'est un petit peu plus technique, mais on pense que ça peut être intéressant puis qu'on peut en sortir quelques trucs. Oui, c'est ça, parce que des fois, c'est assez compliqué à comprendre. Là. Oui, mais la patch SSL, il fallait en parler. Là. C'était quelque chose de gros. Oui, c'était une grosse... Donc, voilà. C'était gros. On vous suggère aussi, vous pouvez regarder sur le site web de Mac Québec maintenant, le podcast « On refait le Mac ». Et on vous suggère aussi le podcast Mon Studio Canada de la gang du Front Créatif Montréal. Et évidemment, tous les podcasts que vous pouvez trouver sur RZ Web. Cette semaine, en fait, ou aujourd'hui ou hier, Apple a fait un changement assez important. Ils ont fini de vendre, en fait, tous les iPad 2 qu'ils avaient fabriqués. Et ils laissent toujours, en fait, à la vente un iPad plus ancien pour être plus accessible. Donc, ils ont remplacé carrément le iPad 2 par un iPad 4 donc qui est moins cher. Je pense que c'est 400 $ 3,99 $3,99 pour un iPad 4, qui est quand même un appareil relativement récent, qui a passée. Toutes les fonctionnalités. Bon, qui est moins rapide que le iPad Air, mais monsieur, madame, tout le monde s'en rendra pas compte parce qu'ils jouent pas à des jeux. Ben non, c'est ça. Tout ça. Tu sais, j'en ai un à job, là, un iPad 4. Moi, je m'en sers à journée longue. J'allais tout le temps avec moi. C'est la seule place que je l'ai. J'en ai pas chez nous. C'est la seule place que je l'utilise. Il est tout le temps avec moi. Fait que... Excellent. Donc, c'est ça. Puis, dans certains pays, je sais pas si c'est partout, il y a un iPhone 5C qui est sorti de 8 gigs pour retrancher. Je crois que c'est 70 $ de moins. Fait que c'est drôle parce qu'entre 8 et 16 gigs, Apple considère que c'est 70$ pour un 8 gigs supplémentaire, mais considère que c'est 100$ pour un 16, 32 ou 64 gigs supplémentaire. Et le prix de la mémoire est baissé. En plus. C'est la même chose dans les cartes mémoire. Là, t'achètes une carte mémoire de 64 gigs, tu payes ça 250$, mais une 8 gigs, t'as ça à la pharmacie sur le comptoir pour 9,99$. Exact. C'est vrai. Tu peux nous le dire. Non, j'en ai pas, mais je trouverais ça drôle. C'est sur le comptoir de la caisse. Ting! Petite barrette. Dans un autre ordre d'idées, grosse nouvelle au Québec cette semaine. C'est vrai. C'est une grosse nouvelle, puis pourtant, genre, tu fais comme... Ben, ah, je m'en tabarouette. Parce que ça fait 5 ans qu'on l'attend. Ouais, c'est ça. Vidéotron, finalement, reçoit et va vendre le iPhone 5. Supporté totalement chez Vidéotron maintenant. Excellent. Faut savoir, bon, en fait... OK, moi, bon, en tout cas. Comment? Oui, oui. Non, ben parce que présentement, la boîte vocale n'est pas supportée. Si, mettons, tu actives un iPhone... Le Visual Voicemail. Le Visual Voicemail n'est pas. Mais à partir du 28, ils veulent l'être. Donc, c'est 28 mars pour la mise en service de tout ça. Ouais. Est-ce qu'on sait s'ils vont l'offrir avec un service LTE? On a eu des rumeurs qu'ils vont s'associer au service de Rogers. Donc, ils sont sur un réseau HDSPA+, qui est plus, qui est théoriquement plus lent que le LTE, mais il faut dire qu'à Montréal... On a à peu près les mêmes vitesses. T'as la même vitesse. On va être d'accord là-dessus. Oui, à peu près. Tant qu'on ne dépasse pas un pont. C'est ça. L'autre bord, je ne le sais pas, parce que moi, je l'ai essayé. À un moment donné, on était chez McDo au centre-ville et j'avais un iPhone... Débarré. Chez Vidéotron. Ouais. Et j'avais mon iPhone chez Rogers. Genre, on fait un test, OK? LTE versus Vidéotron. Ping! On est arrivé aux mêmes vitesses les deux. Bon. Excellent. Est-ce que c'est bridé sur le LTE? On va parler de nombre d'abonnés. Là. Je suis sûr que la densité d'abonnés de Vidéotron est moindre au centre-ville que c'est Rogers. Clair. Puis c'est clair. En banlieue, c'est le contraire. La densité d'abonnés Vidéotron est plus élevée que l'abonné de Rogers. Ouais, mais voyons. Jean-Michel, on n'a jamais été capable, OK, depuis qu'on l'a, là, on n'a jamais été capable de pogner. De passer 20, 30. On n'est pas capable de pogner du 40, du 50. Rogers le bloque à Montréal. Il bloque ça partout au Québec. Hey, tu regardes, il bloque. Tu vois probablement la contention. Tu vois du monde. Mais là, je trouve ça mieux qu'il bloque. 77, des fois 80. Hey, en LTE, allô. Je trouve ça mieux qu'il bloque à 20, puis que tout le monde ait 20, qu'il ait ça libre. Puis que t'en aies qui aient 70, puis que t'en aies d'autres qui aient 10. Non, mais c'est pas ça, parce que quand ils ont sorti la LTE, ils nous ont dit, vous allez voir, c'est rapide, ça va être plus vite que vous avez à la maison. Non. Ben, ce que la majeure parce que dans le temps, quand ça l'a sorti, on avait tous ici notre TGV 10 à la maison. Ouais. Maintenant, on est rendu avec du 30 mégabits. Là, c'est sûr que c'est plus la même chose, on parle plus la même compétition. L'autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est que les réseaux de Vidéotron sont juste déployés dans les grandes villes. Donc, c'est déployé pas mal partout au Québec, le long des autoroutes, dans les grandes villes, donc le long de la 20, de la 40, dans le parc des Laurentines, puis... Ça coupe-tu comme ça? La 40, on appelle Dominique Desbiens tout de suite, puis il l'a posté la nouvelle là, via Mac-Québec cette semaine, puis il y a un long thread de monde qui ont dit « Garde, c'est de la grosse merde. » Ouais, c'est comme, c'est un peu... Au lac Saint-Jean. C'est un peu Fido en 2008, là, quand l'iPhone 3G est sorti, que après Drummondville, ça a 20 jusqu'à Québec, t'avais pas de data, la même chose sur la 40, puis... Ben, quand on est allé l'année passée à Québec, là... Ouais. Quand on regardait la conférence de Sony pour la PS4. Oui. Maintenant, avant, il y a une partie de l'autoroute qui n'a pas de signal chez Rogers. Après Nicolet. Ouais, c'est après Nicolet. Ouais, okay. Après Nicolet, il n'y a pas de signal. Sur la 40, sur... ça. Ouais, okay. Sur la 40. Mais je ne sais pas si, tu sais, comme tu dis, si tu en as partout de, mettons, Montréal, Québec, c'est à 40. Maintenant avec Fido Rogers, il y a du data sur toute la 20, au moins. Je prends plus souvent la 20 que la 40. Il y a du data sur toute la longueur. De toute façon, c'est pas du LTE. Tu peux checker comme des trucs textés. Ouais, non, mais il n'y a pas du LTE sur toute la longueur, mais au moins, il y a du data. Tu as accès à ta musique, tes films. Ouais. Vidéotron, je ne l'ai jamais essayé, mais dès que vous arrivez en Ontario, on parle de 20 un sou le mégaoctet. Un sou le meg? Non, c'est 10 cents le meg ou 20 cents le meg? Ça doit être 20, 35 cents. Ça doit être 10 cents le meg puis 35 cents la minute. Parce qu'on s'entend qu'il y a une différence de couverture Rogers et Vidéotron au Québec. Oui. Rogers couvre plus que Vidéotron, ce qu'il va couvrir au Québec. Fait que dès que vous sortez de votre couverture, mettons Rogers, Telus, n'importe qui, là. Ben, si tu nous écoutes, puis que ta cousine est intéressante, Vidéotron va pas chez vous. C'est comme ça que ça va. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que dès que tu sors de ta zone, Vidéotron, tu tombes chez Rogers, puis watch out. Parce que ça va monter vite, là. Oh, parce oui, que clairement. Si tu regardes pas, puis tu sais pas, tu vois Rogers, oh non! C'est comme eux autres, là, ils vont... Le truc, par contre, c'est qu'ils ont probablement le meilleur forfait actuellement. Oui, mais les forfaits ne sont pas sortis encore pour l'iPhone. Ces forfaits-là ne seront pas compatibles. Ils ne seront pas compatibles. Ah non, c'est sûr et certain, parce que sinon, ils l'auraient déjà dit. Ils l'auraient déjà dit. Il n'y a aucun forfait. On ne sait pas le prix des téléphones. Okay. On ne sait pas le prix des forfaits qu'ils vont mettre parce que, comme qu'ils disent... Là, présentement, il y a le forfait à 6 gigs qui est en promotion à 54. Mais il est en promotion à 54. Donc, on sait que la journée que l'iPhone sort, la promotion finit la veille. Ouais. Comme par magie, là, comme mais coïncidence. Mais c'est vrai, là. Regardez la date que cette promotion-là finit. Là, appelez, là, demandez la fin de la promotion. Le lendemain, l'iPhone sort. Le 27 mars, c'est fini. Ce forfait-là est 70 là, présentement. Okay. Mais c'est sûr que là, c'est compétitif parce que c'est la seule compagnie qui offre 6 gigs de data. Oui. Ouais. Mais à 60. Non, les nouveaux forfaits dont tu parlais tout à l'heure, là, hors d'onde, tu as dit qu'ils ont ajusté. Tu peux avoir 6 gigs maintenant, mais c'est un prix qui est complètement ridicule, genre 150 par mois. Ouais. Ouais. Ça se peut mais c'est 6 gigs que tu peux partager avec ta famille. Ben ouais, mais. C'est ça. Regarde comment je suis tout excité. Vidéotron a un forfait, par contre, au niveau commercial, au niveau entreprise, 30 gigs à 79,99 par mois. Et les appels sont illimités au Québec et les textos aussi. Fait que ça, c'est intéressant, le 30 gigs par mois. Ouais. Mais le réseau permet pas de buster le 30 gigs. C'est ça. Fait que t'aurais beau faire tout ce que tu veux là, pendant un mois là, à côté le Netflix 24 heures sur 24, probablement que tu toucherais pas au 30 gigs au total. Mais bon. C'est pour ça qu'on n'entend pas parler. On peut parler de Public Mobile aussi qui offre pour 45$ par mois du data illimité en 3G. OK. Mais excuse-moi, je vais au promenade Saint-Bruno, je suis en dehors de la zone de couverture Public Mobile. Ah oui? Oui. Donc, j'ai pas accès. Je peux même pas téléphoner. Là. Ça me coûte comme 75 cents la minute téléphoner. Ben, c'est super pour si t'habites dans le plateau. Oui, c'est ça. Ouais. Pour ceux qui restent là, sur le plateau et qui sortent jamais de l'île de Montréal, sauf une fois par année, là. C'est super. Allez avec Public Mobile, si vous n'avez pas besoin de data LTE, mais... OK, regardez. J'ai sorti la zone de couverture de Vidéotron. Ouais, ouais, ouais. Sur la 175, qui est l'autoroute du parc, pour aller au lac Saint-Jean. OK. C'est le réseau partenaire. Ah, oh boy! Fait que, mettons, tu sors de Québec, puis tu vas aller au lac Saint-Jean, t'es obligé de fermer ton téléphone parce que... Ça va te coûter. Ça va te coûter de l'argent parce que tu vas tomber chez Rogers et ça va télécharger quand même des données. J'ai checké aussi pour le forfait à 54$ avec 6 gigs. Il n'y a pas de date sur le site Internet. On va téléphoner. Il faudrait téléphoner. Oui, il faudrait appeler. Là. Mais il n'y a pas de date sur le site Internet quand est-ce que ce forfait-là à 54 finit. Fait que, tiens, si vous ne sortez pas, si vous êtes chez vous en pas de 4 minutes. Si vous restez dans la grande région de Montréal, ouais, c'est ça. Dans la grande région de Montréal puis que vous ne sortez pas, vous ne faites pas de voyage, vous ne sortez pas, vous n'allez pas en Ontario ou whatever, aux States, c'est correct. C'est correct si vous voulez changer. Mais en plus de ça, ils sont en retard. On s'entend que ça fait 5 ans, mais là, ils sont en retard en plus parce que là, ils vont nous vendre un vieux téléphone. Bien, ils vont demander le 5S. Je m'excuse, mais c'est vieux. Oui. Ben, il est, oui, pour les plus nouveaux abonnés. Vous allez acheter le 5S là, dans comme deux semaines, là, deux, trois semaines. Puis là, le 6 va sortir en octobre. Ouais. Il n'y a personne qui va être éligible pour un rehaussement. Fait que là, tout le monde va s'exciter parce que, waouh, Vidéotron a l'iPhone 5S. Mm-hmm. Puis là, quand le nouveau iPhone va sortir, tous ces gens-là vont probablement vouloir avoir le nouveau iPhone. Ils vont tous se faire dire non, vous devez débourser 700$ pour avoir le nouveau iPhone. Bon, maintenant qu'ils l'ont, de toute façon, ils ne peuvent pas plus le ravoir. Fait que c'est sûr que quand le 6 va arriver, ils vont l'avoir eux aussi. Donc là, mais ça là, reste à voir qu'est-ce qu'ils vont offrir comme forfait. On a déjà vu ça, par exemple, aux États-Unis, des fournisseurs qui ont eu le téléphone, mais qui ne l'ont pas eu à la date de sortie. Pas pour les... La première génération, oui, là, tu sais, à un moment donné, oups, c'est arrivé quelque part, mais ensuite de ça, ils l'ont eu en même temps que tout le monde. Tu sais, les premières années, c'est AT&T qui l'avait, puis après ouais, ça, il y a eu, bon... Des fournisseurs régionaux qui se sont rajoutés. Exactement, là. Mais sinon, non, ça... On n'a jamais vu ça, non? Non, on le voit plus, là, ça. Mais là, j'ai une autre question. En octobre, on va où? Devant l'Apple Store ou devant la boutique Vidéotron sur Sainte-Catherine? Il va t'avoir du line-up sur Sainte-Catherine. T'as Fido, Rogers, Vidéotron qui sont comme toutes sur le même c'est coin. C'est clair que je vais aller me promener, moi. Ouais. Je vais emmener ma caméra. Moi, vous tweetez ça, là, les photos, de juste voir la boutique Vidéotron, s'il va y avoir du monde en line-up. Ça va brasser chez Best Buy et le Future Shop aussi, qui offre l'activation sur tous les fournisseurs. Ouais. Et est-ce qu'ils font chez Vidéotron? Oh, je pense pas. Non, je pense pas. Hein? Je pense pas qu'ils font Vidéotron. Hey, il va y avoir des line-up dans les super clubs Vidéotron aussi. Ouais. Ils vont avoir. Ils comprendront pas. Non, c'est ça. Ça ne pas. Fait que. Une des choses, moi, pour lesquelles je suis très content, par exemple, c'est que ben maintenant, quand je vais écouter. Ou quand je vais écouter Yamaska, ben ils auront plus des Android à l'envers, ils vont avoir des iPhones. C'est vrai. Ce serait le fun, mais ça va peut-être forcer Vidéotron à rendre les applications plus compatibles. Ouais. Peut-être qu'on va pouvoir programmer notre décodeur Helico sur iPhone. On peut pas actuellement. Non, c'est juste sur iPad l'application. L'application Helico est juste sur iPad, elle est pas faite pour l'iPhone. Puis ça me fait. C'est parce bizarre. Que j'en ai pas d'iPad, tu n'as pas, toi t'as ton 2. Tout ça ouais, fonctionne. Je m'en sers quasiment bon, pas. Bon, tu t'en sers presque ça, pas. Ouais. Mais ça serait le fun que... Tu sais, je la veux pas, moi, ta TV en direct. Mais donne-moi le reste que je peux programmer mon récepteur à distance pour pas manquer une émission. Le reste de la TV en direct, je m'en fous, là. Moi, regarder Radio-Canada, moi, l'écouter le soir chez nous en arrivant. Mais toutes les autres choses que vous avez, le 900, j'en veux pas. Fait que juste l'option de... Club à volonté? Non. L'affaire avec Vidéotron, c'est que j'ai l'impression qu'ils se prennent pour un écosystème. Mais c'est quoi, là? Ils s'étaient déjà comparés à Google, là, dans une annonce, là, à TVA. Ah oui? À TVA, genre la bonne nouvelle TVA, mais pas vraiment ça. En tout cas, ils se comparaient comme le Google là, du Québec, là, un peu. Là, ouais. Qui pensent là, que personne ne peut vivre sans leurs produits. C'est difficile à éviter, là, les produits, là, mais si on peut facilement... comme je regarde les nouvelles à TVA, bon, j'écoute pour la nouvelle, là, j'écoute pas pour l'analyse nécessairement, mais c'est pas un écosystème, le Vidéotron. Là, on peut... quelqu'un pourrait décider... Il y a juste beaucoup comme ça, tu sais, Libre TV payant, Helico sur demande, faut que tu sois membre, sinon, tu peux pas l'avoir. C'est dur d'avoir accès au contenu. Là, ouais. Pis, d'un côté, je peux comprendre qu'il faut qu'il monétise. Je peux comprendre qu'il faut qu'il y ait de l'argent qui soit déboursé en quelque part. Mm. Mais si tu es maître de tout ton contenu, pourquoi tu... Puis là, le CRTC va demander de dégrouper les canaux. C'est-à-dire que tu ne seras plus obligé d'acheter... Ça, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir parce que j'ai écouté C'est juste de la TV vendredi soir, puis il y avait un invité qui parlait de ça, de dégrouper le service de base. Oui. Le service de base, là, quelle chaîne le fait plus d'argent dans le service de base qu'on a présentement? TVA. C'est TVA. Fait que là, je sais pas comment ça va fonctionner. Mais ce sera pas à l'avantage du client. C'est juste regarder les forfaits sur mesure chez Vidéotron. Ben, il y a 3 piastres de différence entre le 20 et le 30, puis un autre 3 piastres entre le 10 et le 20. Là. C'est ça. Mais tu sais, on avait vu des rumeurs aussi que, on va revenir à Apple, que la prochaine Apple TV, ça serait des chaînes sur demande que tu paierais. T'sais, tu mettrais une pièce sur ABC, une pièce sur Fox, une pièce sur CNN. J'ai hâte de voir si ça va être ça qu'ils vont faire le CRTC. Peut-être aux États-Unis. Ben, le CRTC, mais ici... Pas pour l'instant, d'après moi. C'est ça. Mais sauf, c'est ça. Pour dégrouper les postes de base ici, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que c'est vrai que ce que dans le base, on n'écoute pas tout ce que dans le base, là. Tu sais, ils ont sorti. Non, c'est bon, je n'en parlerai pas. Non, mais c'est ça. On pourrait le recevoir à l'émission. Non, ça me tente pas. Qu'est-ce qu'ils ont sorti? Ben, il y a un poste qui est de base chez Vidéotron maintenant qui vient. En tout cas, je me souviens plus du nom, mais je te le dirai après. Puis, je vais le couper au montage. C'est ça. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que, mettons, tu veux Super Canal ou Super Channel, parce qu'il y a Homeland, mettons. Homeland est supposé jouer... On a-tu ça sur Vidéotron? Super Canal? Super Channel, je sais non, pas. Non, on n'a pas ça sur Vidéotron. On l'a sur Bell, Fibe et ExpressVu. Mais, tu sais, Homeland n'est pas sur le canal qui est supposé être. C'est ça qu'elle racontait, Wittencha, c'est juste la télé. Ouais. Ils ont pris ça puis ils l'ont mis sur un autre canal que tu es obligé d'avoir comme deux steps avant d'avoir, ou tu es obligé de l'acheter comme c'est... Ouais. C'est super cher. Ben, c'est comme, ça valait rien c'est, avant. C'est comme ça au Canada. Là, on a HBO. On a comme HBO une illusion, une illusion d'avoir HBO. Ah ouais, c'est pas HBO. Ça s'appelle HBO non. Canada. C'est des émissions de HBO, mais c'est deux saisons en retard. Puis c'est un canal complémentaire à Movie Network. Donc, il faut que tu t'abonnes à Movie Network pour 16$ par mois pour avoir ton illusion de HBO qui te passe tes séries qui sont passées il y a deux ans aux États-Unis. T'es mieux de te trouver un DNS sur Internet puis aller te brancher sur HBO aux States. Mais encore là, c'est l'affaire la plus difficile à faire là, parce que ça prend un abonnement à un subscriber provider de câble pour... Ah, OK. Il y en a beaucoup, c'est le même, que tu peux plus bypasser. Mais HBO, HBO, c'est vraiment le plus compliqué parce que ça te prend, mettons, il faut que tu aies ton login de Comcast ou bien de Time Warner, puis tu te connectes un peu comme si tu connectais avec ton login de Vidéotron là, sur leur site. Finalement, en fait, on a parlé pas mal de Vidéotron, mais Rogers, TELUS et Bell, puis les autres, en fait, ont... On a parlé vraiment de beaucoup de Vidéotron, mais comme dans cette semaine, on en parle partout de PKP là, dans les élections, fait qu'on fait la même affaire ici. Ouais. Exactement. Mais l'oligopole, qui sont les trois autres compagnies, nous montrent encore une fois que les tarifs sont rayés à la même heure, au même moment, à 5 minutes d'intervalle. Hier, c'est le 17, oui, hier. Le 17, les forfaits ont tous augmenté ou ont diminué, en fait, dans ce qu'ils donnent pour le même prix. C'est cœur, hein? Ça, apparemment, la raison qui est invoquée, ce serait que les gens utilisent trop leurs services illimités. Et moi, quand je les entends, là, mon Dieu, vous utilisez beaucoup de SMS. Des SMS, si. Je vois plus de monde avec des iPhones qu'avec des Android. OK? Puis, qui c'est qui utilise encore? Il y a beaucoup de monde qui utilise encore des SMS. Mais sur iPhone, tu as iMessage. Oui. Sur Android, tu as WhatsApp, tu as Facebook, tu as Name It, tu les as toutes. Oui. Tu sais, qui c'est qui utilise encore? Tu sais, quand ils viennent te dire, vous utilisez beaucoup de vos SMS. Hey! Des SMS, là. Moi, je paye ma bande passante pour utiliser iMessage, OK? Fait que viens pas me dire que je prends beaucoup de tes SMS, là. Puis même, si on de toute façon, c'est pas du pétrole. Non, c'est ça. C'est une ligne, c'est un tuyau dans lequel tu fais passer de l'information. Arrête de me dire qu'il faut que je te paye à chaque kilomètre qu'il fait, là. C'est ça, exactement. Puis je me dis, si je me fais dire que j'utilise trop mon service de voix illimitée, chez moi, j'en ai déjà parlé, j'ai VOIP.ms comme service téléphonique à la maison. C'est d'ailleurs un nouveau feature cette semaine, on en parlera après. Un demi sous la minute d'appel. Ouais. Puis je me dis que sur ce demi sous-là, VOIP.ms fait de l'argent. Le fournisseur avec qui VOIP.ms fait affaire pour acheter ces minutes-là fait de l'argent. Pendant de ça, il y a probablement un ou deux autres fournisseurs qui font de l'argent sur le demi sous de la minute que je paye. Donc, c'est quoi le vrai prix de ma minute d'appel? C'est quoi? C'est un dixième de sous, là, peut-être, là, que ça coûte à la compagnie qui est à l'origine là, de la revente sur revente sur revente. Mm-hmm. Comment une compagnie cellulaire qui est propriétaire de son réseau puis qui fait affaire avec elle-même, là, avec ses filiales, peut justifier de que ça soit pas rentable d'offrir un service illimité puis d'être obligé d'augmenter de 5$ par mois? Surtout qu'on est obligé de les subventionner pour qu'ils aillent offrir le service loin puis où est-ce qu'il y a moins de monde. Là. Ouais. Puis de payer avec des crédits d'impôt pour qu'ils fabriquent leur taux, puis là, sont donc malheureux quand il y a une nouvelle technologie. Ben oui, ils capotent, là. Qui arrive. Mmh. Imagine-toi, mec, qui trouve quelque chose plus vite que LTE, toi, ils vont chier les taxes. Ben, il y a des évolutions, puis normalement, j'imagine que c'est des modules qu'ils devraient rajouter, là. Mais j'ai pas hâte, on en reparlait, je vais en revenir. J'ai pas hâte en octobre. Pour l'iPhone 6? Oui, notre forfait qui va changer. Et moi, ils ne veulent pas renouveler mes crédits de 5$ à cause qu'apparemment, ça lui fait perdre trop d'argent. C'est écœurant, tu as reçu un SMS, t'as vu? Oui, puis il m'envoie un SMS, il m'offre un iPhone 4S à 0$, puis un forfait là, qui n'est pas in market là, avec un rabais dessus. Je lui ai envoyé un message, excusez-moi, c'est insultant là, ce que tu m'offres. Tu n'es pas capable de renouveler mon crédit de 10$ que j'ai depuis 3 ans, puis tu m'offres ça, là? Tu veux essayer de le... Tu penses que nos forfaits vont débarquer en octobre? Ben, la manière que tu les vois aller, si on n'aura plus de 6 gigs, là. Non. Ils peuvent pas nous ils enlever ça. Ils peuvent pas te l'enlever. J'espère, je veux dire. Ils peuvent te forcer à t'en débarrasser, mais ils peuvent pas te l'enlever. Même si je renouve un téléphone? Ils peuvent faire en sorte que t'as pas le choix de t'en débarrasser. Mais ils peuvent pas te dire, OK, le mois prochain, tu l'as plus. Ce serait, ils le feront pas. Avec le contrat qu'ils te font signer là, de 660 paragraphes, là, en petit caractère, ils pourraient le faire. Ils pourraient t'appeler demain, là, puis ils disent, Monsieur Roy, là, votre signing se transforme en 400 MB là, demain matin, là, puis on continue à vous charger 30$. Mais ils le feront pas parce que ce serait comme trop mauvais pour eux autres. Puis il y a comme des limites à ce qu'ils peuvent faire. Là. Mais ils peuvent. Mais s'ils font ça, tu as 30 jours pour débarquer du contrat. Ouais, c'est ça. Tu peux briser ton entente pendant 30 jours. C'est ça. Mais. Là, tu tout ce qu'ils peuvent te dire, là, c'est que bon, si vous voulez votre iPhone, ben vous devez prendre. Ils peuvent te forcer à prendre un forfait. Un forfait iPhone. C'est ça. Là, une affaire là, avec les appels illimités. T'entends-tu que à 400 MB, là? Ben non. C'est ça. J'en veux pas. Je m'en vais dans le coin en train de brailler. Je veux pas de téléphone, là. Non. Tiens, je veux plus de téléphone, je m'en vais là dans le coin, je braille jusqu'à temps que. Ben oui, c'est vrai, 400 MB. Tu regardes de YouTube, c'est fini. Non, mais c'est vrai, là. C'est vrai. T'sais? Effectivement. Une autre nouvelle dans un autre ordre d'idée, le taux d'adoption. On riait un peu, en fait, de la fragmentation d'Android parce qu'ils ont sorti un nouveau système pour le wearable, donc Google Wear, qui a été annoncé aujourd'hui avec une montre de Motorola. Donc, ce que tu disais, c'est que, bon, ben chacune des montres que tu vas t'acheter maintenant va avoir une version 1, 2, 3, 4, 5 d'Android dedans. Mais le taux d'adoption de 7.1, qui est le dernier iOS à être sorti, qui ajoutait quoi exactement? Est-ce qu'on le sait, c'est les boutons qui ont changé un petit peu? Ouais, c'est le UI qui a changé le. Moi, ce que je trouve, c'est quoi le UI? L'interface utilisateur. Okay. Ouais. Ce que ma sœur, elle me dit, OK? C'est le bouton appeler ou raccrocher. À cette heure, avant, c'était fait du long. C'était un carré, sont puis ouais. Long, sont rendus ouais. Même, elle dit pas assez gros. Moi, je m'en suis pas rendu compte parce que j'utilise tellement pas mon téléphone pour appeler. Non, mais c'est vrai, là. Mm-hmm. On s'appelle, lui, c'est FaceTime Audio. Ouais, je t'appelle, c'est pas, ouais. FaceTime Audio. Mm-hmm. Fait que je m'en sers pas. Moi, je signale plus ou à peu près pas avec l'application téléphone. Siri appelle Jason exact. À la maison. FaceTime Audio. Oui, FaceTime Audio Jean-Michel. Oui. Mais j'utilise pas ça. C'est beaucoup pour le UI, c'est pour le monde qui l'utilise beaucoup. Moi, quelque chose que je trouve dur à m'adapter dans iOS 7.1, c'est le bouton Shift, ça fait depuis quoi, iOS 2, qui vient bleu quand on pèse dessus. Là, ouais, quoi, là. Ouais, mais là, c'est, moi, c'est des tons de gris puis des tons de blanc. Moi, je suis habitué parce que tu te l'avais la bêta, toi? Oui. Ah, c'est ça. Lui aussi, il était habitué parce que moi aussi, j'ai dit la même affaire quand on installait la bêta, moi puis lui. J'avais dit, j'ai un petit bouton shift. Par c'est mélangeant. C'est mélangeant. Moi, je trouve ça mélangeant. Je ne sais plus si je suis en shift ou en caps lock. C'est vrai que je fais beaucoup plus d'erreurs qu'avant. Ça fait longtemps. Parce que ça fait depuis très, très longtemps qu'il vient bleu là, quand on pèse dessus. Là. Mais c'est depuis la 7.1 bêta que c'est sorti. Puis même encore, ça fait un bout, ça fait depuis novembre là, qu'on est en bêta, qu'il vient de sortir. Puis comme qu'il dit, je fais encore des erreurs. Ça fait 4 mois, là. Il y a 10.9.3 aussi qui est sorti. 10.9.2. Qui amène FaceTime audio sur les ordinateurs. Ouais. Donc, si vous êtes dans un écosystème et vous parlez avec des gens sur Apple, ben vous allez simplement dans FaceTime, puis vous cliquez en fait sur le petit icône de téléphone. Ça va vous demander en fait si vous voulez l'appeler ou le faire en... Non. En fait, ça, c'est sur le téléphone. Ouais, c'est ça va vous proposer de faire un FaceTime audio. D'ailleurs, moi, je commence à... En fait, j'espère que ça va être ça, la grosse nouveauté de 10.10. Mm. Je veux que Siri soit dans le système d'exploitation OS X. Je pense qu'il commence à être temps. Je ne sais pas comment ils vont l'exploiter, mais J'espère vraiment que Siri s'il l'exploite comme le mode de dictatiel dictateur avec le double FN. Oui, fonctionne très bien. Oui. Tu dis d'écrire quelque chose, puis il va te l'écrire tout de suite là. Fait que ça devrait être à peu près la même affaire avec Siri, parce que même s'il y a quelque chose de hors ligne qui télécharge le système, la base, il va chercher quand même sur Internet, là. Il envoie quelque chose à Apple, puis qu'Apple te le retransmet, puis qu'il te le tape, là. D'après moi, c'est assez faisable, là, d'intégrer Siri. OK. Tiens, fait que... J'ai hâte de voir ce que 10.10 va faire. Ou ça sera peut-être pas 10.6. Ça va peut-être être macOS 11 aussi. Je pense pas. Non? Je pense pas. Je pense que ça va être macOS 10.10, Yosemite ou une autre place en Californie, mais ils vont rester sur le X. Je sais pas. Quand ils vont changer d'analogie ou quand on n'aura plus besoin d'une machine comme ça avec un clavier, une souris. Mon Dieu, j'espère que ça arrivera jamais d'abord. C'est vrai. Mais en attendant, on a toujours le bon vieux Mavericks et c'est maintenant 10.9.2 qui s'installe lors des restaurations par Internet. Pendant un long moment, ça a été 10.9 qui s'installait et là, ils l'ont mis à jour en même temps que 10.9.2. Ils n'ont pas eu le choix parce que il y a quand même du monde qui ne font pas leur mise à jour, là. Oui, effectivement. Mmh. Tu sais, beaucoup de monde, là. Tu vas chez le monde. Là. Hey, ben, on sort quand même souvent des news à propos du fait que les gens font les mises à jour beaucoup plus sur Apple. Ouais, ouais. Puis, en fait, avec Mavericks, là, il y a eu un gros problème, c'est que plutôt que de dire aux gens venez le télécharger, ils ont mis un gros bandeau gratuit dans les mises à jour. Et les gens, à ce moment-là, cliquaient dessus sans vérifier « J'ai-tu les bonnes versions de logiciel? Est-ce que mon adaptateur VGA USB est-il compatible? » Est-il compatible? Donc, il y a un paquet de problèmes comme ça qui sont apparus. Puis souvent, les gens, comme c'est un peu plus compliqué, vont poser la question, vont donc avoir une espèce de filtre, puis vont se faire dire « ben le minimum que tu devrais checker, c'est tes applications importantes sont-elles compatibles? Tes pilotes d'impression sont-ils corrects? Ton imprimante, elle va-tu cesser de fonctionner parce que tu mets à jour ton système d'exploitation? » Ça devrait pas. Ce qui est complètement ridicule. Mais... ben, ça devrait pas, mais ça arrive. Ça arrive. Ouais. C'est comme... J'ai vu certaines choses se passer, puis j'étais comme... ouais, ça, c'est assez poche. Surtout que toi, tu travailles beaucoup avec des clients là, professionnels qui ont des imprimantes professionnelles, qui ont vraiment besoin de drivers... complexe et adapté. Je ne dis pas, c'est imprimante HP à 80$, c'est sûr qu'elle va fonctionner. Effectivement. Je prendrai ce moment pour rappeler aux gens que le support Microsoft de Windows XP cesse le 14 avril prochain. J'ai vu une statistique cette semaine qui avait quelque chose comme 90% des banques américaines qui utilisent Windows XP dans leur guichet automatique qui n'ont pas encore upgradé. Ici, chez Desjardins, tu sais quoi? Windows 2000, sûrement. Là, ouais. Wow! 2000 chez Desjardins. Okay. Puis plus ça avance, plus le gars qui va faire la migration, il voudra pas C'est pour ça qu'on n'a pas des guichets écrans tactiles ici au Canada. On les aura pas ici. On n'aura ça jamais. On n'aura jamais ça. Tous les guichets fonctionnent avec des vieilles versions de Windows. Oui, c'est toutes des vieilles affaires. Fait que là, à ce temps, les guichets ATM aux États-Unis vont devoir payer Microsoft. OK? Parce que ça coûterait tellement cher de faire changer la version de Windows qui est à l'intérieur. Wow. Ils vont être obligés de payer Microsoft pour que Microsoft fasse des mises à jour juste pour eux autres. Wesh. Mais ce serait quoi si les possibilités seraient sûrement meilleures avec Windows 7 qui sont avec Windows XP? Déjà, tu arrives dans un guichet automatique aux États-Unis, ça te parle, c'est tactile, ça fait tout, il y a des animations, tu peux tout faire. Mm. Sauf au Canada, on est là avec nos 8 petits boutons de chaque côté, puis. C'est ça. Ils ont fait une mise à jour des guichets un jour. Puis ici? Avant. Ben, non, mais je veux dire, le logiciel, à un moment donné, là, il a changé un peu chez Desjardins, là, il y a une couple d'années. Puis avant, quand tu appuyais ces boutons, c'était instantané que ça faisait le bip-bip. Puis après la mise à jour, il y avait un lag. Tu appuyais sur le truc, puis ton bip il venait après. Ah ouais? Oui. Les seuls guichets tactiles, il y en a un. J'ai vu ça chez l'Oblast, c'est CIBC. Ils ont certains guichets qui sont tactiles. OK. Ici au Canada. Mais à part de ça. C'est toute de la vieille. Ouais. Ben pour rentrer vite dans Desjardins encore un peu, on va rentrer dedans. N'allez jamais chez. Si vous avez besoin d'argent là, ou quelque chose, là, ou guichet ou Interact, là, ne faites jamais affaire avec Desjardins dans la nuit du samedi ou dimanche. Ça marche jamais. Jamais. Pourquoi? Alors, c'est leur mise à jour. C'est leur mise à jour de système. Oh boy. Puis avec Windows 2000, on comprend que ça a besoin de ressources. Un samedi soir, OK? Fait que tu ne peux pas utiliser le guichet, tu ne peux pas utiliser accéder, tu ne peux pas utiliser Interac. Tu ne peux pas rien, tu peux pas rien mais faire. Mais ils n'ont pas sorti leur... Tu as besoin d'argent. Il y a une nouvelle carte Interac qui est sortie, si je ne me trompe pas. De quoi, ça? La carte noire avec le RFID dessus. Ah, ben ça fait longtemps. Moi, avec la Banque Scotia, ça fait longtemps qu'on l'a. La Banque Scotia, c'est la première banque qui a eu Interac Flash au Canada. OK. Ouais, mais j'ai déjà... C'est juste qu'on a eu ça peut-être en 2011, mais il n'y avait aucun marchand qui acceptait Interac Flash en 2011. Là, c'est comme chez Desjardins, ça a pris vraiment, vraiment du temps avant d'avoir la puce chez Desjardins. Mm-hmm. Mais c'est ça, fait que... Pour venir vite à Desjardins, le samedi soir, si t'es dans le trouble, là, t'as quelque chose qui arrive, puis t'as besoin d'argent, là, puis t'en as pas, tu peux pas rien faire. Screw you. C'est ça, exactement. C'est pas fort, là. Tu vas faire un prêt. Faites votre mise à jour un mardi soir dans nous. Si tu fais un faux chèque, tu vas transférer ça. Ben oui. Chez Instachèque. Voilà. On voit pas ça au Québec, des comptoirs de payday loans. On a pas ça, ici. On a pas ça, On vous met une petite publicité et on revient avec les découvertes. Mac Québec, le podcast. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast Mac Québec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @MacQuébec ou sur la boîte vocale au 1-877-561-2357. Besoin d'aide pour votre réseau informatique? Faites appel aux experts de ClickPom, entreprise spécialiste en solutions informatiques des produits Apple. Que vous soyez un professionnel ou une entreprise, ClickPom peut vous aider dans l'intégration, le déploiement et le support de votre parc informatique. Visitez notre site web pour plus de détails au www.clickpom.com. ClickPom, le meilleur de la pomme sans les pépins. Mac Québec, le podcast. Nous voilà de retour en studio. Jean-François, t'es bien branché? Ouais. On voulait faire un podcast d'une heure et demie. En tout cas, si on considère qu'on a commencé 4 minutes en retard, il nous reste 6 minutes pour tout finir. 8. 8 minutes en retard. Ouais, on a commencé à 8. Ah, quand même. Ouais. Fait qu'un petit 10 minutes de lousse. On se grouille. Let's go, découverte, question. Découverte. Aujourd'hui... Aujourd'hui, on a reçu un email d'une dame très gentille, Jessica de Déclic. Oui, OK, oui. Et qui nous annonçait, en fait, une nouvelle application. Et j'ai eu l'idée de cette application-là, moi-même, dans le métro, quand je l'ai pris il n'y a pas longtemps. Mais comme Mark Zuckerberg, ben c'est quand tu le fais que ça peut te rapporter du cash. Tu prends le métro? Oui, j'ai pris le métro un jour. Ah, okay. J'étais allé sur l'île Sainte-Hélène avec les enfants. Et je me suis dit, pourquoi il n'y a pas un système qui fait que quand je rentre dans X wagon, je sais que quand à la station où est-ce que je vais être, la sortie va être devant moi. Puis si tu fais comme probablement une moyenne, ben tout le monde ne serait pas dans le même wagon. Il y en a beaucoup qui seraient dans le même wagon, mais pas nécessairement. Et en fait, l'application s'appelle SDMM. Elle a été développée par Steve Renault. Et c'est exactement ce que ça vous permet de faire, c'est-à-dire... on l'a à l'arrière, ouais. Elle est diffusée. Donc, on choisit la ligne sur laquelle on voyage. Mettons la ligne verte. La ligne verte. On choisit la direction dans laquelle on s'en va. Mettons Angrignon. Et on choisit, Cadillac. Cadillac. OK, Cadillac. T'es pas obligé de pointer sur l'écran, on voit absolument rien en caméra. De toute façon. Ouais. Et là, on dit, tu vois, à Cadillac, il y a une sortie. Et la sortie, elle est sur le wagon numéro 6. Ouais. Donc, on te montre la direction dans laquelle le train va, donc à partir duquel tu comptes, et c'est vers le bas, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. De toute façon, le numéro est marqué dessus sur le train. Ouais, ah oui? C'est marqué maintenant? Ben, pas en vrai, mais dans l'application. Ah non, pas en vrai, ben non, mais de toute façon, tu peux pas voir... Fait que tu comptes le nombre de wagons et tu rentres dedans pour arriver devant ta station. Donc, c'est utile une première fois si le voyage en train que tu as besoin de faire, il est là, mais pour les jeunes qui ne font que du voyagement en métro, ça peut être intéressant parce qu'ils sortent pas tout le temps à la même place. Puis, je trouve que c'est une application qui est vraiment utile. Elle est vendue 99 sous. C'est correct. Je veux dire, la compagnie a eu l'idée, ils l'ont faite, ils ont été obligés de faire la recherche. Faut que tu te promènes dans toutes les stations de métro, que tu prennes les notes. T'en as pour une couple de jours, là. T'sais, si j'avais voulu le faire, il aurait fallu que je me tape toutes les stations, Tu fais une ligne par jour. Tu as même le souterrain, hein? Le plan souterrain de la ville de Montréal. Oui, c'est ça, c'est les plans, par exemple. C'est les plans, mais c'est les plans quand même, qu'est-ce que vous avez. Ah, c'est bien, c'est une bonne, bonne référence. Oui, à 99 cents, c'est correct. Et on a des codes pour vous si vous nous posez des questions. Et on a même, en fait, une entente avec eux. Ils vont nous fournir deux codes par podcast maintenant qu'on va pouvoir donner au cours des prochains mois. Donc, on est bien content de ça. SDMM que vous pouvez trouver sur le App Store. Sinon, moi, j'ai une autre découverte qui s'appelle CrowdMic. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des colloques, par exemple au GeekFest ou des trucs comme ça, au WAC, qui va commencer d'ailleurs en fin de semaine. Demain, où Kim et Marc-Antoine vont aller faire un tour. CrowdMic, c'est intéressant. C'est un logiciel qui est gratuit pour les utilisateurs et pour les organisateurs de ces trucs-là. C'est aussi gratuit pour 20 usagers et moins, mais si on veut plus d'usagers, à ce moment-là, c'est plus cher. Il faut payer un forfait, une licence, si on veut. Donc, ce que ça fait, c'est qu'un téléphone devient le receveur et que les autres téléphones qui sont connectés au même routeur sans fil deviennent des micros. Donc, on prend le téléphone X, on le branche dans notre console de son pour le faire jouer dans les haut-parleurs, et les autres téléphones vont se connecter dessus et vous allez utiliser le micro de votre téléphone pour en faire une amplification qui va jouer. Donc, plutôt que d'avoir... Oui, effectivement, c'est vraiment brillant. Pas fou. Et toutes les conventions où est-ce qu'il y a quelqu'un qui se promène avec un micro dans la salle maintenant peuvent utiliser ça. Et moi, c'est vraiment intéressant. Ça a révolutionné Claire Lamarche dans le temps avec ses retrouvailles. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faudrait peut-être j'espère qu'il y ait un système. Bon module d'administration là-dessus, parce que ça doit venir le bordel assez vite. Je sais pas, hein? Mais pour des tables rondes ou des trucs comme ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Pas pour une convention de Star Trek où il y a 10 000 personnes, mais quand tu fais une petite table ronde, que t'es... Ah ouais. Ben, j'imagine aussi que le son, tu peux le sortir ailleurs. Fait que tu pourrais faire... En fait, tu peux utiliser ce système-là pour faire une conférence téléphonique à 20. Tu sais, mettons, t'es à la même... Ah non, ils reçoivent pas, ils font juste parler. Ouais, fait, c'est ça. Mais ça aurait pu être cool que ça envoie au téléphone, puis le téléphone, lui... Mais c'est pas fou. Mais non, c'est très intéressant comme petit logiciel. Donc, et c'est gratuit. Ben c'est gratuit pour 20 utilisateurs et moins. Fait que mettons que nous autres, on fait un podcast devant le public. Mettons, là, on fait le prochain All-Star site, là. Oui. Puis au lieu d'avoir 23 000 consoles, là, puis 23 000 micros, on aurait chacun notre micro. Ouais. Comme l'année passée, on manquait de micro. Là. Mm-hmm. Au dernier, on manquait de micro. Ben, ça serait pas super comme qualité, là, mais oui, ça... Mais ça fonctionnerait. Oui, oui. Ouais, c'est sûr qu'il y aurait du bruit de fond. Là, mais... Ou, par exemple, tu fais le contraire, c'est-à-dire que tu fais le même setup, mais tu prends ta sortie de console, ta plug dans un iPhone qui devient le micro, puis tu fais un récepteur de l'autre bord sur un autre iPhone. Tu sais, tu peux faire ça aussi. Ouais. Là, fait que... Mais ouais, ça va être à retenir, ça. Oui, donc CrowdMic. Ouais, bravo. Et finalement, pour ceux qui sont pris en 2009 et qui utilisent encore le service de WeTransfer plutôt que Dropbox ou d'autres services du genre, comme Google Drive. C'est quoi WeTransfer? C'est un service, en je fait, sais pas quand, c'est quoi. Ben, quand tu essaies d'envoyer un email, puis ta pièce jointe est de 104 MB, puis là, tu viens de scraper ton serveur Exchange, la place, tu le mets dans WeTransfer, fait que tu uploads en HTTP sur le site, puis après ça, il te donne un lien que tu envoies à une personne. Ah bon? Pis, mais tu sais, c'est ça, tu utilises Dropbox à la place. Oui, il y a tellement de services comme ça. On devrait se partir un nouveau segment you où à chaque podcast, on recommande... On devrait se passer un nouveau segment où à chaque podcast, on recommande un service de partage de phishing là, comme ça, différent. Chaque segment. Oui, il y en a, ByteTorrent qui a fait un truc récemment pour partager. En tout cas, as-tu vu Dropbox vont changer là? Il va y avoir la section personnelle et ceux qui ont le service pro entreprise chez Dropbox. À partir du 9 avril, il va y avoir deux services inclus dans le même. Tu vas avoir ta partition, c'est comme une partition, mettons, une partition personnelle. Et ta partition entreprise dans le même logiciel. Ah, cool! Fait que, au lieu d'avoir, tu sais, comme deux, trois comptes, changer de compte, ça va être dans le même. Fait que tu vas avoir, quand tu vas peser sur ton icône en haut, je l'ai vu passer tantôt dans la soirée, au lieu, quand tu vas peser, tu vas avoir personnel et entreprise. Fait que tu peux dropper ce que tu veux dans... Fait que, en tout cas, c'était le 9 avril. J'ai vu ça arriver. 9 avril, ça va sortir. J'ai hâte de voir. Mais là, compte entreprise, on n'a pas ça. Nous, on ne le verra pas. Fait non, que... ça coûte cher. À part de ça, ça coûte 9 fois comme 300$ par année. En parlant de cher, avez-vous vu Google, le, qu'est-ce qu'ils ont fait cette semaine? Le prix du Google Drive a descendu. Ouais. Ça n'a pas de sens. C'est juste comme 1,99$ par mois pour 10 gigs. Puis, C'est 10$ du terabyte par mois. Ouais. C'est pas cher, le 10$ pas cher. Terabyte. J'espère, pas cher. Moi, j'espère qu'ils vont adapter ce que je paye pour. Parce qu'avec Google Apps, ouais. Dans le 4$ par mois que je paye, ça inclut le 10 gigs. Ça inclut comme 10 gigs de plus. J'aimerais ça qu'ils mettent le terabyte à la place du 10 gigs. J'aimerais ça qu'ils augmentent mon stockage. Ouais. Ça pourrait être cool. Mais j'ai hâte de voir ce que Dropbox va faire et iCloud. Moi, j'aimerais ça que ça soit illimité. Je sais pas s'ils sont parce capables que... de le faire, là, mais... Je sais pas, mais parce que là, moi, mon iCloud, il achève. Là. Ouais. J'ai dernier 1000 de son 5 gig. Là. OK, bon, tu veux dire au niveau... Ma barre, là, l'espace, est sur, t'as juste, est sur le bord. Là. T'as juste un device. J'ai un device. De imagine si t'aurais un iPad. Hey, j'ai des photos là-dedans. Là. Il y a plutôt mes photos, moi. OK. Tu sais, j'ai à peu près comme presque 4 gigs de photos. Dans mon téléphone. Fait que, j'ai checké juste sur Dropbox cette semaine là, parce qu'il y a l'upload automatique. J'avais 10 gigs de photos dans mon compte. J'ai comme tout effacé. Ben ouais, c'est ça. T'sais, à un moment donné, c'est. Mais c'est ça. T'sais. En tout cas. Bon. Je suis pris sur le fait. Mon téléphone s'est refermé. Bon. C'est maintenant l'heure des amateurs de Mac. Bonsoir. Bonjour. Les amateurs de Mac, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, faut pas être en même temps, c'est ça la beauté du truc. Ça on vous rappelle. Un après l'autre. Ouais. Bonsoir. On vous rappelle que si vous avez des questions ou des commentaires à nous transmettre, vous pouvez le faire via Twitter en utilisant le mot-clic PodMQ. Et ce soir, les gens qui nous poseront des questions en direct, je vais mettre Jean-Michel à veille. Uh-huh. Pour le mot-clé PodMQ, se mériteront un fabuleux code promotionnel pour avoir l'application SDMM gratuitement, qui est l'application découverte qu'on a présentée tout à l'heure. Puis on aime ça recevoir vos questions, même si vous ne nous écoutez pas en direct. Donc, si vous nous écoutez cette semaine dans l'auto, n'importe quoi, vous avez quelque chose à rajouter à ce qu'on dit, utilisez le mot-clé PodMQ aussi, puis on va en parler au prochain. Ou podcast commercial macquebec.com. Effectivement. J'aurais voulu en parler avant, mais on le fera au prochain podcast qui aura lieu le 1er avril, si tu veux. 9e anniversaire de Mac Québec, 1er avril. Ah! Un 1er avril. 9e anniversaire. C'est pour ça que l'année passée, on avait sorti Windows. Windows Québec. Hey, on aurait dû faire ça cette année. On aurait pu faire le podcast Windows Québec en direct. Effectivement. Mais ouais. Plutôt que de l'enregistrer la nuit, la soirée d'avant. Mais on aura une discussion, en fait, sur Popcorn Time, puis un peu tout ça. On va là, essayer... Là? Non, dans le 1er avril, on essayera d'avoir ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir un invité. Okay. Et avoir une discussion sur Popcorn Time. Parce que ça a fait beaucoup jaser. J'espère juste que ça va toffer jusque-là. Oui, c'est ça. Ben, sinon, en attendant, si vous nous écoutez, tapez Popcorn Time, allez le télécharger. Version 2.7. Ouais. Vite, dépêchez-vous. 0.2.7. Pirate B, il est encore là. Oui, ils l'ont enlevé de méga. Mais on va en parler vite, là. Ça a fait beaucoup jaser, là, partout, là, aux États-Unis. On a entendu partout, CNN, name it, là. C'est ça l'affaire, c'est que ça s'est retrouvé sur les médias dit traditionnel. Donc, comme le bruit était important d'un coup, ils ont commencé à avoir peur. Ça s'est même rendu sur les médias francophones ici au Québec. Là, la presse en a parlé. Ouais, okay. Canoë en a parlé. Ouais, tout le monde en a parlé. Méchant service. On vous laisse aller le découvrir. Ouais. Voilà. Et revenez-nous la semaine prochaine avec tout ce que dans deux semaines, avec tout ce que vous allez pouvoir lire. On va en parler. Le prochain, c'est clair qu'on en parle parce que j'en ai écouté du film. Je l'ai utilisé, je veux dire. Excellent. Première question cette semaine, c'est une question de Alexis Cornelier qui nous provient de sa tête. Je me posais la question aujourd'hui, puis je me suis dit, tiens, j'ai cherché la réponse, évidemment. Pour un client, j'ai besoin de trouver une licence Windows à installer. Il a besoin d'un logiciel qui se connecte à son SharePoint. Mm-hmm. Donc, c'est Office 2000 whatever qui va se connecter. Et là, ils vendent dans les magasins soit Windows 32 bits ou Windows 64 bits. Oui. Encore, Windows 7 vient en deux versions. Pas 8. Pas la, non, mais je pense pas la version 8. 8. Non, 8, c'est fini. C'est 64 bits. Mais Windows 7, c'est en 32 ou 64. Okay. Puis en fait, c'était ça ma question. Est-ce que je devrais plutôt installer 32 ou 64 bits? C'est quoi la différence? C'est quoi le problème? Mm-hmm. Pourquoi? Qui suis-je? D'où viens-je? Et en fait, ce qu'il faut vérifier, c'est si les applications que vous utilisez supporte le 64 bits, il n'y a pas de question à se poser. Et autant aller avec le 64 bits, d'autant plus que le système utilisera le maximum de mémoire de l'appareil. Parce qu'on se souvient qu'un système d'exploitation en 32 bits va utiliser maximum 3 gigs de mémoire dans l'appareil. Mm-hmm. Donc, si c'est pour le faire rouler en plus dans un logiciel de virtualisation, ben puis que tu as 16 gigs dans ton appareil, tu veux pouvoir mettre le maximum de mémoire possible à ce système-là. Voilà. Attends un peu, il n'y avait pas juste ça aussi. OK. Il n'y avait pas juste le 3 gigs de mémoire. Parce que quand que... Le processeur aussi. C'est le processeur quad-core, c'est pas compatible avec ça. Non? C'est ça le problème aussi. C'est ça. C'est comme quand ils ont sorti la version de OS X 10.6 à 10.7, c'était 64 bits. C'est le processeur. Ah oui, fallait que tu démarres avec 6.4 d'enfoncé pour c'est le forcer à tomber en 32 bits. C'est le processeur le problème. Si ton processeur, c'est un Core Duo, ouais, n'est pas compatible. Non, ça il n'est pas 32 bits. Il est 32 bits. Il n'est pas 64. Si c'est un Core 2 Duo, c'est un 64 bits. Mais avant ça, et ton comme tu as dit, ta RAM aussi. Si tu as juste 3 gigs, c'est pas assez. Il va juste voir un cœur de processeur, puis c'est il verra ça. Pas il plus que 3 gigs. Il partira même pas. Ben, il va partir, mais... Ben, sur Mac, ça partait pas. Ben, j'avais Windows, j'avais sur mon ancien MacBook Pro, j'avais Windows XP 32. Ouais. Puis il voyait un cœur de processeur. OK. Puis il voyait juste 3 gigs de mémoire. Oui, ça va s'installer 32 bits. Ouais. Ça va s'installer, c'est juste que ça va utiliser 3 gigs. Ah, okay. Ça va utiliser le maximum que t'as, même si t'en as 100 fois plus. OK. Donc ça va être 64 bits. Deuxième question de Éric Tremblay qui provient. Alors, on a une question avant de Pierre-Luc sur Twitter. OK. J'ai un iPhone 4 encore à 5.1.1. Devrais-je l'updater ou ma pile va trop rusher inutilement? Non, tu ne devrais pas l'updater parce que si tu l'updates, tu vas l'amener à iOS 7. Mm-hmm. Tu t'en vas sur un site web puis tu t'en vas chercher le ISPN de la dernière version de 6.1.5. Ouais. Puis ça va être, tu vas être capable de l'installer. Ouais. La dernière version de iOS 6. Puis parce qu'elle est débloquée, je pense. Elle est encore débloquée. Tu peux l'installer, mais tu peux plus revenir en arrière. OK. Pierre-Luc, c'est la version 6 que tu devrais installer pour être le minimum compatible avec iCloud, avec un certain nombre de fonctionnalités. iMessage aussi. Probablement que tu es resté avec la version 5.1.1 à l'époque parce que les premières versions de la version 6 était un peu lente, mais suite aux optimisations, c'est correct. La version 7.1 de iOS fait que c'est un peu mieux sur iPhone 4S. 4 aussi. 4 aussi, oui. 4 aussi. Ma sœur et mon ami ont un 4, et quand je lui ai dit « Faites votre mise à jour, ça optimise pour l'iPhone 4 », C'est pas grosse affaire, mais tu vois une différence. Okay. Surtout la caméra, quand tu parles l'application caméra ou iMessage, tu vois que le temps de réponse est plus vite. Ah, OK. Maintenant, tiens, fait que ça va mieux. Mais quand tu es rendu avec un iPhone 4, parlant de dire que tu es dû. Ben, oui, c'est ça, tu es dû pour un rehaussement. Là, ouais. Ça va faire 3 ans. Oui, bien, on s'entend-tu, Jean-Michel, que... Le rehaussement est au bout de 30 mois. Oui, c'est ça. Non, ça vient de faire 3 ans. C'est en 2010, l'iPhone 4. Ouais. Ouais, ça l'a fait 3 ans en octobre. Ouais, c'est au bout de 30 mois, ton rehaussement, c'est toujours 30 mois. Ouais. Même s'ils disent 36, ben, là. On suggérerait quand même à Pierre-Luc de... Ouais. Ben là, en tout cas, parce que là, même 30 mois, c'est subjectif, là, mais... Oui, c'est ça, il y a moyen de délai. Mais c'est ça, on juge Pierre-Luc d'avoir un téléphone si vieux. Mais voilà, non, tu pourrais le mettre à jour, mais il faudrait que tu télécharges une version qui n'est pas sur iTunes. Et il y a iChuck 4 qui disait à Pierre-Luc 5.1.1, t'es bien désuet. C'est effectivement, parce que c'est pas la dernière version qu'il aurait dû avoir sur son téléphone. Question de Éric Tremblay sur Mac Québec Entraide. Avez-vous des astuces pour l'économie de la batterie sur iPhone 5S? j'ai l'impression que je ne suis pas dans le spectre. C'est des questions qu'on a souvent. Je suis capable. C'est vrai! On se les fait poser souvent, puis bon, c'est dans... Puis pas juste ça qu'on s'est fait poser. Tu regardes sur les médias sociaux, là. Comme là, 7.1 est sorti. Mon Dieu, ma batterie descend plus vite! Mon Dieu, ma batterie descend plus vite. On est-tu tanné? On le sait qu'elle descend plus vite. Les batteries c'est comme à chaque fois que Facebook fait un petit tweak là, dans son affichage. Là, t'as la dizaine de statuts. Ah, Facebook a changé, j'aime plus ça. Deux semaines après, c'est tout oublié. Le timeline de Facebook est en train de changer. Là. Il y a un nouveau timeline qui s'en vient. Il y a certaines personnes qui l'ont, je ne l'ai pas encore. Non. Je m'en fous, moi, de dire franchement. Là, je m'en... Mais l'affaire de la batterie, là... Désactiver toutes les affaires que les animations. Les animations, là, que vous, tu sais, que votre téléphone bouge, là, puis votre fond d'écran bouge, là. Si vous n'avez pas besoin, si vous savez que votre batterie elle se décharge trop vite, effacez, désactivez-la. Oui. Moi, elle est activée. Moi, je suis habitué de gosser avec mon téléphone que. Le recharger tout le temps. Tout le temps, une fois par jour. Ben, désactiver les services de localisation aussi. Aussi. En fait, ce qui arrive, c'est... Ben, d'abord, il y a plein de jeux qui te demandent d'avoir droit à ta localisation, ce qui n'a pas rapport. Ben oui, comme... Va les enlever, le Flying Bird, là, ou le poisson, là. Non, mais il y a des applications comme, je pense, l'application Starbucks qui veut notre localisation pour pouvoir nous avertir, ah, mais il y a tel Starbucks, un de vos Starbucks favoris qui est proche, mais excuse-moi, quand je passe en face, je sais il est où, là, je vais à chaque jour, là. Fait que t'as pas besoin de me le dire, hein, puis la même chose, je reviens... C'est devenir fou, c'est à c'est New ça. York, il y en a un à chaque coin de rue. Ben oui, c'est ça. Je reviens à ce que je disais tantôt aussi, la compagnie pour laquelle je travaille avec ma carte de fidélité sur Passbook aussi, qui prend la localisation, puis je me suis rendu compte que... Passbook est tout le temps allumé. Passbook, le GPS est tout le temps actif quand je travaille. Le GPS est tout le temps actif parce que je suis là. Il y a comme une balise qui a été faite, là, puis il veut m'avertir que je peux l'utiliser, là, ma carte de fidélité. Ben oui, parce que si tu as des billets de spectacle puis tu es dans l'enceinte de la place où est-ce que le spectacle a lieu, mais ça veut dire que les développeurs sont pas brillants parce que si tu peux avoir l'endroit où est-ce qu'ils sont. Mais il me semble qu'Apple n'est pas supposé le partager avec les développeurs de logiciels. Mais ça se fait sur le serveur de push notifications d'Apple. C'est pas le distributeur du logiciel qui le voit. OK, excellent. C'est ça, mais vraiment, le GPS, ça tire beaucoup de jus. Ouais. Le LTE tire beaucoup de jus. Oui, mais c'est pour ça qu'on a un control center maintenant pour fermer. Puis, mais, tu peux mais déjà, juste désactiver le GPS, ça va faire une différence incroyable. Ah ouais, c'est... Activer le GPS juste pour les applications que vous savez que vous en avez besoin. Le Bluetooth. Allez pas désactiver le GPS dans Maps. Ça donne rien, ça enlève toutes les fonctionnalités de l'application. Mm. De toute façon, Maps n'ira pas prendre votre localisation à moins que l'application soit ouverte. Là, c'est pas ça le problème. C'est vraiment les applications développées par d'autres développeurs qui sont plus... Il commence à avoir de plus en plus de compagnies. Puis bon, notre choix s'arrête toujours sur les produits de Mophie qui semblent être les plus fiables. Ouais. Mais si vous avez des problèmes de batterie parce que l'utilisation que vous en faites ne vous permet pas de faire toute la journée, vous ne vous retrouvez pas à un moment ou à un autre devant un ordinateur qui vous permet de le brancher ou quoi que ce soit, ben à ce moment-là, un module de batterie supplémentaire, un case qui comporte une batterie, peut être intéressant. Il y en a beaucoup. Apple vend même celui que j'avais acheté, moi, sur Kickstarter, avec le pack de batterie que tu peux enlever. Là, c'est une housse sur ton téléphone. Mm-hmm. Tu peux mettre une plaque. Puis, si tu en as besoin, tu peux mettre la batterie puis tu as le petit câble pour le brancher en dessous. Et on a parlé d'un produit dans les découvertes la semaine passée qui s'appelle iBetter Battery. Oui. Et qui est un logiciel qui se place dans la barre en haut et qui est une notification qui vérifie votre téléphone pour vous dire « Hey, là, t'es rendu en bas de 20%, plug les dons parce que tu vas brailler tout à l'heure. » Et il t'avertit aussi quand il est plein. Donc, d'ailleurs, c'est ce qu'il vient de faire sur... Ce que j'aimerais, pour dans la prochaine version de macOS, qu'il arrange la barre en haut. T'sais, parce que... Oui, il commence à avoir beaucoup de choses là-dedans. Il commence à avoir beaucoup... Là, j'ai Bartender, comme toi aussi, mais il fonctionne très mal. Tu trouves? Ben moi, des fois, je perds mon icône de Spotlight. Je sais pas si c'est toi, si ça t'arrive. Non, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est vrai que c'est mélangé. J'ai des icônes, là, j'en ai le deux tiers de mon écran en haut. C'est beaucoup. Puis moi, j'ai pas la même résolution que vous, OK, sur votre écran. Fait que ma résolution est plus petite. Ouais, c'est ça. Ben moi non plus, je suis pas rétina. Ben moi non plus, mais moi, c'est encore pire. Là. C'est 1200 par 800. Ouais, c'est vrai. Fait que moi, des icônes, en veux-tu, en v'là. T'sais, c'est comme un moment donné, j'aimerais ça que. T'sais, qu'ils trouvent quelque chose à tweaker le. À tweaker la barre en haut, que je sais pas comment ils pourraient la faire, là, mais ça serait le fun que les icônes commencent à diminuer. Là. T'sais, c'est comme. Un moment donné, là, ça va faire, les icônes. Oui, il pourrait y avoir quelque chose d'autre. C'est comme dans Microsoft, là. Dans Microsoft, en bas, dans ta barre, là, dans ton start menu en bas, là, à droite, ouais. Quand tu pèses dessus, là, ça vient tout en. Ça vient en carré. Là. Oui, c'est vrai. Ils pourraient le faire comme les menus, comme les dossiers stack. Là. C'est pas un beau carré. Là, mais... Non, c'est pas un beau carré, mais Apple mettrait plus beau. Qui s'inspire mais... de ça, mais qui... C'est ça. C'est ça, tu sais, que mettons, tu pèses sur ta barre en haut, puis t'as un carré avec tout ce qui est ouvert, comme sur Windows. Ah oui, OK. Tu sais, ben pas... Parce que là, ils vont dire, OK, vous avez copié sur mon Windows, là. Mais non, mais tu sais, ils vont trouver... Ils sont capables de faire quelque chose. Ils vont trouver quelque chose, mais j'aimerais ça, tu sais, parce que ça vient fatiguant. Il a déjà s'inspirer de Stacks, là, dans le doc. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Tu sais, comme Stacks, là, dans tes dossiers. Fait que c'était mon petit... Ma petite demande. Donc, j'espère que ça te donne assez de trucs, Eric. Je commence à voir apparaître aussi, je sais pas si vous avez vu cette semaine, mais il y a 2-3 projets de... ils appellent ça de la recharge sans contact. Ouais, ça me dit quelque chose, ça, j'ai c'est, vu ça. C'est du wireless recharge. Oui, de la recharge sans contact, il faut que tu aies un gros tapis là, sur ton bureau. Ouais. Là, c'est ça. Mais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, il fallait un case dans lequel... oui, Pierre-Luc voulait nous appeler, mais je pense qu'on n'a pas... Est-ce qu'on a placé le... Oui. On a placé le numéro de téléphone? Ouais, ben donne-y, puis il va nous appeler. Il va nous jaser ça. Mais on a déjà répondu à sa question. Fait qu'on verra s'il y a une autre question. Non, on t'a déjà parlé, là. Mais c'est quoi la notification que je viens de recevoir? J'ai entendu. Ah, c'est toi? C'est ton c'est iPhone? Moi, okay. Oui, probablement. Je vais l'enlever. Donc, voilà pour la batterie. Mais c'est ça. Le truc sans contact. J'en ai vu sortir. Avant, il fallait un case au complet qui était plugé dans le téléphone. Puis là, tu le déposais sur le gros matelas. Maintenant, ils ont miniaturisé le système qui est dans le téléphone. Okay. Ça ressemble à une carte. En fait, c'est très, très mince. Et tu le colles derrière ton téléphone. Puis, il y a un petit bout qui revient dans ton, dans ton téléphone. Puis, c'est en papier ou en carton ou en plastique, vraiment flexible. Mais ce que ça fait, c'est que tu es capable de mettre ton casing par-dessus ton téléphone et là tu déposes donc n'importe quel casing et tu déposes ton téléphone sur le matelas ou pas loin même. Je pense qu'il est pas obligé d'être en contact avec. Donc, ce qui serait intéressant, c'est qu'Apple décide peut-être de faire ça, mais ce qu'on pense, c'est qu'Apple va le faire seulement s'ils savent que ça va marcher sans que ça ait besoin de toucher. Donc, tu sais, ils vont créer un appareil que quand tu vas mettre ton iPad, ton iPod, puis tout ça dans ce range-là, ça va se recharger par. Mais est-ce que tu penses que plus que tu es loin de la surface, moins ça va se recharger vite? Ouais, c'est ça. J'ai l'impression. Un peu comme du Wi-Fi, puis j'ai l'impression que. Tu sais, ce sera pas les meilleures minutes de ta vie de te sacrer dans Je pense pas, non. Je sais pas. Je pense que ça va aller plus vite avec le petit pack qu'on avait acheté chez Costco à 20 piastres, la petite batterie que je me sers encore. Ben, en vacances, là, j'adore ça. Elle est très lourde. La carrée, là, c'est ça? Ouais, la petite noire, la 20 piastres qu'on avait acheté avec Bernard, là. Fait que non, c'est pas mal intéressant. Parlant de batterie, tout ça, il y a un produit qui a été annoncé, c'est pas encore sorti, c'est D-Link qui sort ça, et c'est très rare que je dise quelque chose de bon sur D-Link, mais c'est un routeur sans fil à 100$ qui permet de prendre une clé USB LTE ou 3G, la brancher dans l'appareil, mais le port USB peut servir aussi pour partager une imprimante ou un disque dur. Et finalement, il y a une batterie de 4000 mAh là-dedans. Donc, le routeur ou la fonction routeur peut fonctionner sans être branché dans le mur. Et le routeur est même en mesure de recharger n'importe quel appareil que tu brancherais dessus. Fait que pour 99$, pour une espèce de petit rectangle, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont intéressantes là-dessus pour les gens qui voyagent. Ça peut être très intéressant. Puis j'ai communiqué avec D-Link. On va peut-être pouvoir en tester un quand ça va sortir. Ah, c'est intéressant. Ouais. On va faire la différence entre mon vieux Airport Extreme et ça. Puis ça, effectivement, parce qu'il est en AC. Ouais. Le nouveau. Le D-Link, oui. Comme dernière question cette semaine, c'est une question de Guy Duclos sur MQ Entraide, donc Mac Québec Entraide, qui nous demande, est-il possible d'utiliser un iMac comme moniteur pour un Mac Pro? En fait, oui, il y a possibilité, là, mais ça va passer par du réseau. Et il va avoir possiblement un lag. Là. Ça sera, c'est-à-dire que oui, vous allez pouvoir le faire. C'est correct pour faire du Word, un petit peu de web, mais arrêter sur un pixel avec les modèles. On peut pas les modèles récents, les branchés en Thunderbolt. Non. Le modèle iMac 2010, il y a un modèle que Apple ont fait que tu pouvais. Tu avais comme deux modes sur l'écran. Tu pouvais toggler d'un mode à l'autre et il devenait un écran de TV. Ah. Fait que le mini DisplayPort qu'il y avait dessus était capable de recevoir et pas juste d'envoyer dans un autre écran. Nous, on a un client qui était seté de même. C'est une de mes premières gigs chez ClickPom. Puis le gars, il fait, bon, ben il est temps de changer mon ordinateur, tout ça en 2013. Fait que il commande, puis il y a quelqu'un dans l'équipe qui a dit... il a posé la question, puis il a dit, ben oui, tu sais, j'imagine que oui, mais ça n'a pas été vérifié. Mm-hmm. Puis là, c'est moi qui vais installer l'ordinateur, puis il dit, oui, mais telle affaire, puis là, je gosse, puis je check, puis à un moment donné, je fais la recherche Google, puis je fais, non, ça marche pas. Tout ça parce qu'ils ont dû enlever un composant à 85 cents dedans, donc, qui fait que... Que ça marche. Ouais. Ben oui. Donc, c'est un peu fâchant. Donc, ces modèles-là particuliers peuvent être utilisés pour un écran, pour un autre ordinateur. Sinon, il y a des logiciels, n'importe quel logiciel de VNC, mais il me semble qu'il y en a un autre qui s'appelait Screen Recycle. Il me semble que c'est ça. Screen Recycle for Mac. Screen Recycler, peut-être? Screen Recycler, oui, voilà. Ah, ben oui. Donc, use your other computer as an additional display for your Mac. Recycle your old iMac, PowerBook, or even Windows PC. Fait que c'est vraiment ça. Ça utilise du VNC, puis ça, en fait, eux autres le vendent comme un produit qui va faire un étendu. Mais c'est très drôle parce que la photo, c'est un iMac aluminium récent et t'as une photo qui est spreadée sur deux écrans. Mm. Et le deuxième écran, c'est un iMac. Les premiers iMac d'hemisphère. Pour femmes. Avec écran LCD. C'est vrai qu'elle était pour femmes. Les femmes l'ont beaucoup aimé, celle-là. Oui. Il était joli. By the way, 10.9.2 et la nouvelle version du Apple TV avec le remote, le screen, là, fonctionne mieux. OK, ils ont amélioré ça. Excellent. Oui, parce qu'avant, il y avait beaucoup de lag. Oui, les présentations qu'on faisait ici, là, c'était pas... Oui, c'est ça. Là, elle n'est pas à jour, ça. OK. Mais fonctionne un petit peu mieux. Donc, Guy, c'est ça, c'est Guy qui nous posait la question. Oui, Guy Duclos. Guy Duclos. Donc, va voir pour Screen Recycler. Ça pourrait être la réponse à ta question. C'est bien maudit. C'est un truc que Frank The Tank aime pas des ordinateurs Mac. Tu es obligé, quand tu pars un Mac, mettons que tu veux l'installer en serveur, tu es obligé de le connecter à un écran. Tu peux pas déployer un Mac sans le connecter à un écran clavier souris en premier. C'est vrai. Une fois que c'est fait, tu sets tes affaires, tu télécharges server, t'installes tout ça. C'est mais tu es obligé de le brancher à un écran la première fois. Ouais, fait que c'est assez maudit des PC, ça fonctionne pas comme ça, t'es pas obligé, tu peux y plugger direct puis prendre contrôle puis toute la kit. Fait que je me souviens que dans un des épisodes de l'analyse des geeks, il avait fait un rant là-dessus. C'est ce qui met fin aux amateurs de Mac bonsoir cette semaine et on va vous revoir dans deux semaines. Un petit intermède. Mac Québec, le podcast. Encore une fois, le podcast Mac Québec tient à remercier ses commanditaires, iRepair Montréal, les sauveurs de vie professionnelle qui sont en train de développer une solution waterproof pour les iPhones, Coop UQAM, boutique informatique pour les étudiants, mais aussi pour tout le monde, ReptilTech, l'INIS, qui donne des cours, vous pouvez regarder sur leur site, mais entre autres Keynote 5 bientôt et une formation Final Cut et une autre pour Motion. Et finalement, Telestream pour le logiciel Wirecast. Comme à l'habitude, le podcast Mac Québec est diffusé depuis les bureaux de ClickPom, spécialiste en solutions informatiques Apple. Rendez-vous au www.clickpom.com pour plus de détails. Puis un peu Google Apps, parce qu'on en déploie pas mal en ce moment. Du Google Apps? Ouais. Ah ouais? Ben, on rentre à des... Écoute, je suis rentré chez une cliente, ils ont une adresse email pour la compagnie. Mais pour combien en sont, plus? Sont deux. Ah, OK. OK, fait que c'est correct, ils settent la même adresse. Mmh. Elle avait un serveur Exchange de setter. Pour une adresse? Pour une adresse. Aïe, aïe. Okay? OK? Puis, donc, elle avait un truc de setter. Ouais. Je pense qu'elle n'utilisait pas les solutions calendrier puis les solutions contact en plus. Fait. Puis c'était setté sur Windows XP patché à fond, alors que ces produits-là sont supposés fonctionner sur une version serveur. Ouais. Fait que puis il y a eu des troubles, tu sais. Fait que j'ai fait pas juste du Mac. Ben on fait juste du Mac, mais on touche à... On nous appelle souvent pour installer, par exemple, des parallèles avec un Windows dedans, puis Office. Fait qu'on le fait parce que le monde PC ne veut même pas faire ça. Ah, OK, je sais pas. Le monde PC, je sais pas comment c'est. Ben, c'est correct. Tu apprends les pas, c'est correct, on va se débrouiller avec. Okay. C'est vrai que Google Apps, c'est vraiment simple. Oui, oui, oui. Fait que non, c'est un bon produit, puis on... Ben, comme ça vaut 4$ par utilisateur par mois, là, c'est pas cher. Là. 4,16$. Ouais, c'est ça. Je suis pas pour une grosse multinationale qui ont 10 000 utilisateurs, là, ça revient un petit peu. Ben, j'ai même parlé à un gars qui fait du déploiement de Exchange. Mm. Il en fait depuis que ça existe, là, tu sais. Et récemment, ils ont fait le calcul. Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que pour n'importe quelle compagnie en bas de 40 employés, t'es mieux de prendre Google Apps que Exchange. Au niveau de les licences, au niveau du fait que faut que t'ailles l'ordinateur, faut que t'ailles une connexion Internet avec une adresse IP statique connectée sur une batterie, tu sais, tout le kit, si tu veux pas que ça tombe, t'es mieux d'aller avec Google Apps, ça te donne plus de services. C'est quoi Slide? Slide? Mm-hmm. Je sais pas pourquoi. Ah, je sais pas, mais je suis en train de checker c'est quoi qu'ils donnent comme application dans le Google Apps. Ah, il y en a beaucoup. Ben, Slide, ça doit être comme PowerPoint. Ouais, un petit peu. Ah, ouais. C'est les mêmes applications que Google Drive, mais c'est juste Google Apps, c'est vraiment personnalisé pour ta compagnie, ton site web. Puis les gens ne le savent pas, mais Google Apps, c'est fait pour que tu continues à utiliser ton nom de domaine. C'est-à-dire que si ta compagnie s'appelle clickpom.com, ben ton adresse, ça va être alexis@clickpom.com, même si tu utilises les services de Google. C'est ça, ce ne sera pas une adresse Gmail. Exactement. Comme moi. Moi, je continue à utiliser mon adresse Gmail, mais j'ai mon domaine, j'ai une adresse en commercial JM Boily qui est associée à mon compte Google Apps. Exactement. Donc tu achètes roi.com, puis tu fais ton adresse, c'est jeanfrançois@roi.com. OK. Puis tu payes 50$ par année à Google. C'est par utilisateur, mais tu vois, dans le cas de ma cliente qui avait une adresse, c'est une fois 50$ par année, elle vient de mettre 1000 quelques$ sur le serveur, plus le déploiement. C'est ça, puis après tu peux faire du millage. Là, après ça, tu peux même te créer des alias comme admin@jimboily.com. Tu peux faire des alias, tu peux faire des groupes. Ah, OK. Tu peux faire des groupes. Fait que mettons que tu as 4 utilisateurs, puis il y en a 2 qui sont dans le processus d'engager, tu sais, les ressources humaines. Uh-huh. Fait que tu fais rh@clickpom.com, puis tous les emails qui rentrent là-dedans s'en vont dans les boîtes de 2 utilisateurs. Tu peux même te faire un Google Plus local, juste ta compagnie, avec les différents départements de ta compagnie. Comme moi, quand je vois dans mon Google Drive, puis que je veux vous partager quelque chose, ça m'informe que vous faites pas partie de ma compagnie, puis... Est-ce que tu me demandes si je suis certain de vouloir vous partager? T'es sûr que tu veux que ça sorte? C'est ça. Fait que non, ouais. c'est des bons produits. Le prochain rendez-vous du podcast, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, c'est mardi le 1er avril. Ce sera le 9e anniversaire de Mac Québec. Puis, c'est pas un poisson d'avril. Non, c'est vrai, c'est vraiment ça. On essaye de trouver quelque chose à faire, mais on va essayer de peut-être fêter cette année plutôt que essayer de faire la boisson? Une blague. Oui, je pense que oui, on va amener de la boisson, mixologue, des clowns, du monde en échasse, tout le kit. On va amener toutes les sortes de jeux Oasis. Sinon, messieurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets? me retrouver sur Twitter au JM souligné Boily. Et moi, sur Twitter, c'est JFroy1979. Merci d'avoir été avec, avec moi ce soir, les gars. Ça me fait toujours plaisir de vous revoir. Pour ma part, vous pouvez me retrouver au Alex Cornelier sur Twitter. Et si vous êtes comme moi, addict, mon nom est Alex Cornelier, je suis addict à Pocketmine. On le sait, ça. Et rajoutez-moi sur Pocketmine. Je joue avec Dave Bellil, puis Carl Charret, puis d'autres mondes. Mais rajoutez-moi, parce que je suis tanné de dépenser du cash, ce jeu-là, pour avoir des petites cartes puis des niaiseries pour creuser plus creux. voilà. Moi, j'en viens pas. Donc, on se retrouve dans deux semaines. C'est comme... Salut tout le monde. Okay, on en parle hors d'onde. Bye. Ceci n'est pas le crétin qui se fait avoir par les in-app purchases que vous cherchez. Au revoir. Mac Québec, le podcast.